et Valérie Benaïm. Il y a Bob Sinclair qui viendra nous voir à 17h50. À tout de suite, mes petites beautés. C'était Marion Ruggieri avec bien sûr Cyril Hanouna qui arrive et que vous pouvez suivre en vidéo sur Europe1.fr avec son invité Bob Sinclair. Très bel après-midi à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 16h. Le Flash, Christophe Carré. Bonjour Christophe. Bonjour. Les assurances s'engagent à mettre en place des procédures simplifiées pour les victimes des inondations. Une simple photo suffira pour faire la preuve de ce qui a été perdu. Les compagnies ont été reçues par la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Pour les sinistrés les plus modestes, le gouvernement débloque un fonds d'extrême urgence. Manuel Valls s'est une nouvelle fois rendu sur le terrain aujourd'hui à Montargis, sous-préfecture du Loiret, l'une des villes les plus touchées la semaine dernière. Manifestation de près d'un millier de cheminots cet après-midi à Paris, près de la gare Montparnasse, là où se déroulent les ultimes négociations sur l'organisation du temps de travail. La grève en est à son sixième jour. Elle coûte chaque jour entre 15 et 20 millions d'euros à l'entreprise. Emmanuel Macron chahuté ce matin pendant un déplacement à Montreuil, près de Paris. Le ministre de l'économie a été pris à partie par des manifestants CGT qui lui ont jeté des œufs. Il venait présenter un timbre pour le 80e anniversaire du Front Populaire. Il parle de comportements inacceptables et dénonce des agitateurs professionnels. Un Français arrêté le 21 mai dernier en Ukraine avec des armes de guerre et 125 kilos de TNT. Le chef des services de sécurité ukrainien affirme qu'il envisageait de commettre des attentats en France pendant l'euro. Il est inconnu des enquêteurs français. Ils n'ont rien trouvé en perquisitionnant son domicile dans un petit village de la Meuse. La sécurité pendant la compétition, 3000 policiers supplémentaires seront déployés à Paris. Ils vont s'ajouter aux 10 000 déjà présents en Ile-de-France. Au Champ de Mars, la fan zone sera ouverte pendant tous les matchs. En Belgique, les orages pourrait expliquer le dramatique accident ferroviaire d'hier soir. La foudre aurait endommagé l'infrastructure. Un train de voyageurs a percuté par l'arrière un train de marchandises qui se trouvait sur la même voie. Il y a eu 3 morts et des dizaines de blessés, dont certains très gravement. Un peu plus de 2 semaines du référendum en Grande-Bretagne, le camp pro-Brexit est en tête selon une moyenne de sondage. 51% des personnes interrogées se prononcent pour la sortie de l'Union européenne. Très bon après-midi sur Europe 1, 16h02, vous retrouvez Cyril Hanouna pour les pieds dans le plat. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. Il nous reste 4 émissions des pieds dans le plat. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Belaï, Bella. Bonjour. Jérôme Commandeur. Bonjour. Quel talent. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Et Angoun. Bonjour. Angoun. C'est bon, Angoun. Non, mais oh, ça va pas bien. Il est fou comment bah, le lundi, c'est sympa. Ça ne dérange pas le lundi. Moi, tu peux lui dire t'es bonne. Mais c'est de l'indonésien, ça veut dire vous êtes très jolie. Ah. Tout bonne. Voilà, tout bonne, Angoun. Voilà. Et je suis très angoissé. Pourquoi? Vous avez vu? Il paraît qu'il y a des crocodiles qui se sont évadés du zoo de Vincennes. Mais c'est vrai ça aussi? Mais bien sûr. Non. Ce qu'on m'a dit, moi. Et pareil, genre, ils peuvent passer par les canalisations, t'es en train de tranquillement. Ça y est, voilà. Ouais, c'est reparti. Et là, t'as un crocodile qui sort. Non, c'est pas un crocodile, Haribo. Excusez-moi, vous avez quoi comme chasse d'eau exactement? Parce que. Pour qu'un crocodile sous la manche, votre chasse d'eau. C'est ça, le commun des mortels a des tuyaux beaucoup plus fins que ça. Non, mais les crocodiles, il paraît qu'ils ouvrent les tuyaux, ils ouvrent tout, ceux-là. C'est des trucs, c'est des Arsène Lupin. Non, mais attendez. C'est vrai que, vous savez ce qu'on dit du corps humain, hein, que quand la tête passe, tout passe. C'est peut-être pareil pour le crocodile. Ah, d'accord. T'as essayé dans quelles conditions, c'est ce que ça? Tu as vérifié la dashcam. Fait très peur, Jérôme Commandeur. Il démarre très mal. Très mal. Non. C'est un vrai adage. Non, mais alors, est-ce que c'est vrai cette histoire de crocodile du zoo de Vincennes? Parce qu'on m'a envoyé ça. Mais d'abord, la source de l'information. La source, c'est le zoo de Vincennes. C'est le zoo de Vincennes. Vous êtes en liaison avec le zoo directement. Quoi? Vous êtes en liaison avec le zoo de Vincennes. Bah, bien sûr, je les kiffe. Si c'est le zoo de Vincennes, oui, on peut estimer que c'était dans un truc. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, ici? Parce que ça me fait très peur. Vous avez vu les rats qui partaient aussi? Comme ça, on me l'a dit là. Partaient quoi, en vacances? Il y avait des rats qui partent en vacances avec leur petit baluchon. C'est les juilletistes. Non mais excusez-moi, je vous aime énormément, mais est-ce que vous seriez pas un petit peu mégalomane? Quoi? Parce que s'il y a des crocodiles qui sortent du zoo de Vincennes, vous pensez que la première chose qu'ils vont faire, c'est vous chercher vous? Non mais il y a très peu de chances. Alors, qu'ils attaquent vous, ils vont peut-être attaquer un de vos ennemis. Non. Alors, je vais vous dire. Moi, je m'en fous. Intéressant. Moi, je vous le dis. Je pense aux autres aussi. Parce que il y a un truc très drôle. J'ai vu l'article. Il disait, si vous trouvez un crocodile, voilà, dans la rue, chez vous approchez pas. Appelez le zoo de Vincennes. Ça veut dire, t'imagines déjà le gars, il doit faire le 118 de 118. Allô, est-ce que je peux avoir le numéro du zoo de Vincennes? Oui, c'est ça. Oui, le zoo de Vincennes, donc, Calvin. Le zoo de Vincennes, bah, Vincennes, hein, Vincennes. Le zoo de Vincennes, comment? Attendez, j'appelle où, là? Voilà, j'aimerais le responsable crocodile, s'il vous plaît. J'y suis à Bourdou. J'ai vous dit croche, dit Bourdou. Non mais tu te rends compte ou pas? Non mais franchement, vous rendez compte? Valérie Benaïm, vous avez trouvé l'info? Ça y est, j'ai trouvé l'info sur un site internet qui s'appelle Science Info. Inondation 2. Les crocodiles du zoo de Vincennes s'échappent dans les égouts de Paris. Oh là là, c'est Science Info, oui, c'est confirmé. Vrai. Ça sent le fake à 10 km. Ouais, je me dis aussi, c'est bizarre parce que. Est-ce qu'il y a une alerte Morandini? Non, eh ben c'est faux. Bravo, Jean-Louis. C'est vrai que je ne l'ai vu que là. Hein. Bah oui, je connais pas ce site, moi, Science Info. Si c'est... Bah moi, j'aime bien la science, j'aime bien les infos, donc t'en forcément. Mais bon, voilà. En tout cas, on pense à tous ceux qui sont dans les inondations. Hein. Voilà, on leur fait de gros bisous. On rigole pas avec ça, Jean-Luc. Hein. Non, mais c'est vrai que quand même. Et j'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez fait ce week-end, Jérôme Commandeur. Vous avez été revoir votre film au cinéma? Mais qui se regarde 20 fois pour faire monter le score, pour faire plus d'entrées. Pas possible, ce mec-là. Pas du tout. Vous avez fait quoi? Eh ben mon oncle est venu avec ses petits-enfants chez mes parents et nous avons fait un dîner de famille. Ah, il m'a envoyé un SMS. Un déjeuner de famille. Ils ont parlé de moi à Paris. C'est vrai, exactement. Mais pourquoi vous parlez de moi? Non, parce que en fait la télé était allumée sur Roland Garros et quelqu'un a lancé le sujet, il est comment le tennis de Cyril? Non mais qui comme ça quelqu'un dans votre famille? Oui, quel est le jeu quelqu'un de Cyril dans votre famille? Ça a démarré sur le tennis. Ça a démarré sur le tennis de Cyril. C'est quoi son jeu? T'es sûr qu'ils ont dit le tennis? Le jeu. Avec un T. C'est quoi son jeu? Comment il joue? C'était pas un P. C'était pas un P. On est dimanche midi, on bouffe du la dapade, des champignons. Je vois bien la grand-mère commandeur entre le zigo et la Vienneta. Il est comment le pénis de Cyril? Non, le tennis. Vous soyez poli quand même. Merde, c'est ma famille. Enfin, vous avez une famille qui est open. Elle est open. Ouais, enfin, quand même. Et donc, on en a conclu, après un long débat, que vous jouiez certainement très bien, mais que vous étiez très escro et très vicieux. Ça fait plaisir, en tout cas, chez les commandeurs. Mais comment ça se passe que souvent, sur les déjeuners de famille, quand on parle politique, on s'embrouille? Est-ce qu'on peut s'embrouiller chez les commandeurs sur le tennis de Cyril? Non, on s'est ppas embrouillé, mais on se demandait, comment il jouait. Moi, je suis sûr qu'il a un très bon niveau, mais il a été décrété escro et vicieux. Et j'ai dit, c'est marrant, moi qui le côtoie depuis une quinzaine d'années, je pense que c'est vrai. Valérie, parce qu'on n'a pas le temps. Juste dis-nous ce que vous vouliez faire et on le dira après. Parce que le site, en fait, c'est un faux site parce que je viens de voir les dernières infos qu'ils ont balancées. Ah bah, vous nous le direz dans un instant, tout de suite. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna. Tiens, tu peux venir s'il te plaît? Il faut décharger les 6 sacs de Simon. Simon? C'est qui Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de Simon, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 € par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 € hors taxe sans apport pour un Caddyvan jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Information sur volkswagen-utilitaire.fr. Oh là là là là! La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine! Eh oui, tentez de gagner 2 places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché! Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but! Venez vite jouer! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité et magasins participants sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Fatigue, pollution, stress nuisent à votre beauté, envie de bien-être? Découvrez le nouveau Docléor, tout le pouvoir des huiles essentielles dans ses rituels d'aroma cosmétique pour un profond bien-être. Profitez de nos offres exclusivement dans nos instituts et spas. Liste disponible sur docléor.fr. Docléor, la peau, le corps, l'esprit. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. En ce moment, les 100 stylos billes rétractables dont 20 gratuits Peppermint Enjoy sont à 19,79€ TTC. En noir ou en bleu? Perso, je prendrais les bleus. Ben pourquoi? Parce que... Allez les bleus! Pardon. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Le rouge et le noir, l'opéra rock. mon petit Julien. En province, vous n'étiez pas grand-chose, mais à Paris, vous êtes en moins que rien. Salut, c'est Patrice McTavre. Dans Le Rouge et le Noir, l'opéra rock, je serai Valno. Le Rouge et le Noir, l'opéra rock, dès septembre 2016, au Palace de Paris. Infos et réservations sur lerougelenoir.fr. Avec les offres Trilogie, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance, voire conditions sur bmw.fr. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile Free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile Free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1, bien sûr, avec la suite des pieds dans le plat. Et merci au public d'être là. Merci à tous d'être là. Il y aura du qui est au top encore aujourd'hui. Ah. On va voir qui a bien bossé. Et on parlera aussi de Roland Garros, bien sûr, à tout de suite. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%? Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Oh Pierre, faudra que je te raconte. Il y a un nouveau record. Quoi? Le but le plus rapide de l'histoire? Non, non. La frappe la plus puissante du monde. Le record de carton rouge en un match. Le transfert le plus cher de l'histoire. Mais non, un record à euro million, man million. Tu n'as jamais vu. Cette semaine, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Semaine euro million, man million, UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin. Pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à Amoun. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci Valérie Benahi. Merci Jérôme Commander. Avec Alexandre. Ah, oui, merci la Jérôme Commander. Alors Valérie Benahim, oui. J'avais vu sur un site donc cette histoire de crocodile. En fait, c'est faux. Hein. Oui, parce que il y a que moi qui suis assez con pour y croire. Oui, hein. Parce que par exemple autre titre sur ce fameux site, clé des toilettes égarées, 6 astronautes rapatriés en urgence sur Terre. Vous voyez, c'est pour vous dire que ah, c'est possible ça. C'est plus possible ça. Ou alors par exemple la NASA envoie des vidéos YouPorn sur une exoplanète habitée. Voyez. Bon, ça aussi. Ça se tient d'accord. Ou enfin un test salivaire pour détecter les relations extra-conjugales. Ah, ça j'y ai pas cru tout de suite. Voyons. Mais il me fait bien rire ceci. Ah, moi aussi, j'aime bien. C'est une sorte de géographie scientifique. C'est quoi de géographie? C'est science et vie. Science info. Bah science info. Bah on va le noter. C'est très très sympathique en tout cas. J'aime beaucoup. Voilà. Vous avez regardé la finale de Roland Garros alors? Hein. Bien sûr. Bon, oui. On a eu un Roland Garros dégueulasse. On a eu Nadal qui sort, enfin qui abandonne. Mon fils qui abandonne avant. Federer. Non mais ça va pas. On a eu un temps dégueulasse, des cours dégueulasse. Non mais j'adore ce tournoi, mais là cette année les pauvres ils n'étaient pas aidés. Non mais on n'est pas rentré dans le tournoi. Et ça me fait de la peine parce qu'on a un beau vainqueur, Djokovic. C'est le meilleur. Il avait un boulevard, excuse-moi. Mais méritait quel boulevard? Il a rencontré Murray, il n'a pas rencontré un tocard. Oui d'accord. En finale, il a rencontré un adversaire. Et alors Murray, c'est Murray. C'est bien Valérie Benahim du café du commerce. Il avait un boulevard. Attends le mec, aucun mérite. Attends, dis-moi, Nadal n'était pas là alors que c'est sa bête noire. Elle est devenue plus tunisienne que... Attends, dis-moi. Nadal, alors, non mais je voudrais juste vous dire un truc. Nadal, c'est pas du tout la bête noire de Djokovic. Non, mais je vous le dis. Je pense que sur les 10 dernières rencontres, Djokovic a gagné 10 fois. Ça fait peut-être 10 fois de suite que Nadal n'a pas battu Djokovic. Donc arrêtez de dire des bêtises. L'an dernier, Roland Garros, il lui a mis une tôle à Nadal en quart de finale. Mais parce qu'il n'était pas en forme l'année dernière. Nadal n'était pas en forme. C'est un très bon vainqueur. Il est bon ton de critiquer Nadal. Je sais pas ce qui se passe. Ce Nadal bashing. Attention, ça me secouait les puces. Ah, on lèche, on lâche, on lynche. Moi, j'adore Nadal. J'aime beaucoup Nadal. Mais Djokovic mérite sa victoire. Je suis désolé. Ah, c'est normal, c'est la quatrième fois qu'il arrive. Au moins, enfin, il l'a. Mais alors, mais vous savez ce qu'il a fait, Djokovic? Vous savez ce qu'il a fait? Il a gagné tous les tournois du Grand Chelem. D'accord. Bah oui, tous enfin, sauf celui-là qui lui échappait tout le temps. Mais alors, non, enfin, mais, non, voilà. Arrêtez, non, enfin. Mais, comment ça m'énerve? moi, j'aime beaucoup Djokovic. Non, en revanche, ce qu'il a fait, c'était très joli, le cœur. Quand il a fait fin, le cœur, bah, bien ouais, sûr. Ça, non, mais alors. En clin d'œil, je vous le dis. Djokovic est un amour de mec, hein. Déjà, ouais, et Murray, il avait mauvaise presse à mon déj de famille hier, parce qu'il était mal sapé. Ouais, ça, ça les gens, ils disent, non, mais Murray, sape-toi. Non, mais c'est vrai, on dirait qu'il va louer un parasol. Non, mais sans déconner, il est dégueulasse, ce Murray. Dégueulasse, Murray. Non, mais on dirait qu'il a de la terre battue partout, même dans le slip, je sais pas, il me dégoûte. Non, on n'est pas allé jusque-là, si, mais c'est un peu le propos. C'est un peu je sais pas, il fait, Murray, ouais. Il fait sale. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Il fait, t'as l'impression que son t-shirt, il a remis le t-shirt de la veille. Je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas, et même. Djokovic, c'est propre. Même c'est les, clean, les couleurs sont pas belles. On dirait qu'il utilise pas Mirecouleur. On dirait qu'il c'est utilise. Pas de sa faute, le oui, c'est vrai. Pas. C'est, non, mais ouais, on dirait qu'il utilise une lessive, qui amoindrit les couleurs. Ouais, j'aime ouais, pas ouais. ça. Ouais, c'est terne. Djokovic, il est voilà. flamboyant. Et surtout, il est sympathique. Voilà, bah, je vous le dis. Donc, qui a regardé aussi? Angou nous avait regardé la finale de Zenith? Non, j'étais pas là. Ah, d'accord, bah, très bien. J'ai chanté. Elle parle toujours en chanson. Non, j'étais pas là. Mais c'est vrai. Vous avez chanté où? J'étais à Manicourt. Manicourt, mais ouais, sur le ciel. Elle s'est fait écraser par une bagnole en passant. Ah ouais. Arrête. Et en fait, elle chantait. Personne l'entend avec le bruit des bagnoles. Non, mais ça, c'est magnifique. Mettez la chanson dans le monde. Oh. Non, mais j'adore. Elle a chanté. Oh. Avait... Mettez les neiges du Sahara avec un peu de peau d'échappement. Attention! Je prends le train. Bah, à la gare, c'est pas chier. Non, mais vous avez chanté au circuit de Manicourt. Oui, mais en fait, parce que ils font donc le circuit, ils font voilà, jusqu'à 1h du matin. Ouais. Et puis il y a un podium derrière. Il y a un podium. Pour les voilà. Donc il y avait moi, il y avait Superbus. Ah ouais, c'est vachement bien. Willy Williams. Moi, ah oui, Willy Williams, cool. J'aime bien. Ouais. J'aime bien tout, j'aime bien Superbus aussi. Superbus, génial. Non, ça c'est pas. Genre, c'est un extrait d'Angoune. Yeah. Mais non, on n'entendait pas les bruits, non. Vous êtes bêtes. J'entends trop la chanson, pas assez les pots d'échappement. Qui c'est, mais il y avait des mecs, qui c'est qui chante, là? J'entends pas les voitures. Qui c'est qui a mis son poste à fond, là? Il croyait que c'était un des pilotes qui avait mis son poste à fond. Genre, il y a un mec qui écoute du Hangoon. Non, mais je me suis souvent demandé. En autoradio. Non, mais il n'y a pas les pilotes de Formule 1. Ils sont comme ça en course, ils veulent faire un kiff quand même. Moi, si j'étais pilote de Formule 1, je mets un petit Kenji, tu vois, je mets un kiff, tu vois. Et mon Dieu, laissez-les-moi, et quand tu doubles, tu fais comme ça. Non. Il y a pas des mecs qui se font des kiffs. C'est dommage. Non, mais est-ce que vous avez vu des coureurs de près? Pas du tout. Ouais, mais. Johnny Winnie, non, ouais. Mais ça arrive aujourd'hui. Vous savez, on dirait les auditeurs qu'on a quand tu Johnny Winnie. Est-ce que vous avez un travail affirmatif? Mais non, mais ils étaient occupés, ils tournaient. Oui, je sais. C'est la poussière. C'est vrai. Non, mais en tout cas, très, très beau week-end. Ah, hein. Ouais. Très beau week-end. Bravo. Et vous étiez avec qui? Vous étiez avec votre amoureux? Non, j'étais avec mes musiciens. Non, je travaille. Vous draguez pas un peu vos musiciens? Mais pas du tout, non. Il y a toujours une chanteuse. Il y a pas. Ouais. Non. Il y a Fabrice le Zikos, le batteur. Non. Qui me tourne un peu dessus. Ouais, c'est vrai. Qui me tourne. Jamais. Non. Parce que dessus, on ne mélange pas. Pas le travail avec le plaisir. Non, c'est pour ça qu'on travaillera jamais ensemble. Allez, Orgoun, c'est parti face au monde. Oh. bien cette chanson. Ouais. Et notamment votre mais cover. Je vous ai entendu, oui. Chanter des versions, mais. Vous pouvez dire le titre de... Qu'est-ce que vous aviez imaginé? C'était quoi exactement? Faire face au. Faire face au vent. Ah, au vent. Ah, au vent. J'avais entendu seul face au gland. C'est ce que vous avez dit. On arrive vers la fin de la saison, c'est le temps de dire la vérité. Vous êtes lâche. Oui, c'est vrai. Parce que j'imagine le clip. Sois montrer qu'on n'a pas le temps. Il n'y a pas intérêt à loucher. Hein. J'adore. Sérieux, j'imagine le clip avec Angoune, mais vraiment premier degré. Super littéral. Mais c'est ça. C'est ça. Seul, parce que ça marche très bien sur cette chanson, seul face au gland. Qui s'est déjà retrouvé seul face à un gland? Michel Larin, qui est ici. C'est Moon, qui s'est déjà retrouvé. Il y en a qui se sont déjà retrouvés seul face à un gland. Michel Larin de Fontenay. Jamais, vous êtes déjà trop retrouvé face à un gland? Oui, ça peut arriver en automne. Quand on est dans la forêt, et puis on essaye pour faire des petites confitures, des petites choses comme ça, On pensait pas tout de suite à ça, nous. Ah non. Vous avez pas recommencé encore. Les cochonneries, ah non, ça suffit. À chaque fois qu'il me fait venir, c'est pour raconter des cochonneries. Non, ça suffit. Ça suffit. Non. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, vous? De quoi, le loup? Bah oui, le loup et l'agneau, même. Oh, bah ça fait bien longtemps. Quand est-ce qu'on a inséminé mon Louis, qu'on l'a mis sur la cheminée? La petite boîte? Oh oui, ça fait une cinquantaine d'années. Mais moi, ça me manque pas. Non, moi, ça, c'est des trucs pour les gamines. Moi, ça me manque pas. Bon, bah, très à bien. Mon âge, tu sais, tu me donnes une table à repasser, un petit fer, un petit tac, je repasse une écharpe, je pense à autre chose. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on est bien content pour vous, jeune VF. Merci. Tiens, Valérie Benaim, elle a fait quoi ce week-end? On sait même pas. Bah, je vous ai dit, j'ai regardé le match de. Pas c'est tout, mais c'était pas samedi et dimanche, quoi. Et samedi, je suis allée me balader avec ma mère. Ah ouais, tranquille. Sur l'avenue? Non, oui, c'est ça. On a été prendre un petit thé toutes les deux. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le temps de se voir et tout. On s'est raconté nos vies. Je suis sûr que les gens vous prenaient pour deux. La patoche, c'est mort. Hein. La patoche, c'est mort. On l'a lancé tous les lundis depuis des semaines et des semaines. Il n'y a pas un week-end où. Mais c'est la fantaisie. Le pauvre, il est à la maison. Notre maison est dans Essonne et elle est inondée. Donc il est en train de s'occuper de ça. Ah ouais, et toi, tu ne pourras pas l'aider? Ben non, il est tout seul. Il n'a pas besoin. Je peux rien faire là. Il est avec les pompiers depuis une semaine. Vous êtes sûr qu'il est vraiment inondé? Mais il a bien coquin, ce patoche. Alors, il y a un pompier, il y a un officier de la Navy. Il y a un Indien. Un chef de chantier. Voilà. Il y a un chef de chantier. Oh, c'est drôle. Non, mais ça, non. Et quoi, il est resté là-bas? Ben oui, parce que figurez-vous que la crue de la rivière qui est juste à côté a eu lieu ce week-end. Non, mais c'est vraiment chaud. Pour le coup, il y avait 50 centimètres. Moi, je vous le dis, je suis persuadé qu'il a ramené une meuf là-bas. Ben vous rigolez, vous voulez que je vous montre les photos des dégâts? Non, franchement, Jean-Luc. Moi, je vous suis là-dessus. Ouais, voilà, je le sens pas franc du collier. Bah, moi aussi, je le sens pas. Je l'aime bien, mais je le sens pas. Vous savez qu'il vous adore. Mais moi, j'aime beaucoup. Vous dites qu'il a une autre fille. Alors, je vais vous dire, ça n'a rien à voir. Là, dans un cas, de force majeure, je peux le comprendre. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais attendez, vous êtes au bout du rouleau. Moi, je le comprends. Vous vous rendez compte, il y a plein de gens qui sont au bout du rouleau, là. Patoche, il est pas bien. Il est à des centaines de kilomètres de vous. Il a raison. Il a les pieds dans l'eau. Faire l'amour avec une autre femme, ça veut pas dire qu'on est infidèle. Ça n'a rien à voir. C'est un moment de deux choses complètement différentes. Ça, c'est un hologramme. Est-ce que baiser, c'est tromper? Non. Bien sûr que non. Ça se saurait. Mais alors, à quel moment on trompe alors? Pour moi, c'est un verbe qui n'existe pas. On trompe à partir du moment où ça se sait. Ah oui. Savoir tromper. Merci Patrick, merci. Mais franchement, Angoune, est-ce que si un jour, je vous pose une question. Votre mec là, Black & Decker. L'allemand là. Un jour, il vous dit. Derrick. Excuse-moi. Ouais, Derrick là. Angoune, j'aurai une question à vous poser dans un instant. Et je poserai la même à Valérie Benaim, à Jérôme Commandeur, à Jean-Luc Lemoine. Okay. Et on va voir où vous en êtes. Where do you live? Where do you live? Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.

Supposé. L'infidélité supposée de Patoche, voilà. Écoutez, voilà. Angoune, est-ce que si votre mec là, oui, il dérape, voilà, un jour, oui, il vient vous voir. Alors, il y a deux solutions. Ah, oula. Il vient vous voir, il vous dit voilà, il fait quoi dans la vie déjà? Photographe, hein. Mm-hmm. J'ai dû aller photographier pendant deux semaines à Petra, en Jordanie, et je suis tombé sur une femme magnifique. Et on a commis l'irréparable. Mais c'était juste une fois. Déjà, mon... ne jamais dire l'irréparable, parce que déjà tu t'en rends compte. Oui, mais non, c'est pas moi, c'est le boss. Oui, mais, oui, mais disent, déjà il dit que c'est irréparable. C'est de, on a commis le réparable. Le réparable. Le réparable. Donc on a commis le réparable. Pourquoi il vient le dire? Je ne la reverrai plus. Mais il fallait que je te le dise. Parce que je suis franc et que je ne pouvais pas garder ça sur le cœur. C'est dégueulasse, il lui dit pour lui faire de la peine. Alors, il va le garder pour lui. Non, il ne garde pas pour lui, c'est un boche. Ouais, c'est carré. Comme carré. Non, il est carré, moi j'aime bien les mecs comme ça. Le mec a quand même dit à l'antenne, c'est un boche. Après, alors, les cheveux, ils sont comment, sinon? Dans un instant, on parlera des roast beef, bien sûr, et des macaroni, restez avec nous. Non, on a Steven, un roast beef, là, en ligne, là. Tu dis à Giovanni de macaroni, attends deux secondes. Et on a un teuton qui, voilà, qui veut nous parler, hein, bien entendu. Alors, non, mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pardonnes? Alors, je pense que déjà, avouer, ça veut dire que c'est un acte, pour moi, assez égoïste. Ouais, exactement. Ah ouais. Je pense qu'il faut le garder. Non. Bah, si. Voilà, c'est beau, si. Ça. Si. Parce que si on avoue, ça veut dire que non. Parce on se que libère de ce poids. Alors. Exactement. Alors finalement, on oublie. Il n'a pas avoué. Il n'a pas avoué, mais vous avez trouvé des photos et vous reconnaissez donc la personne et vous le grillez. Voilà, vous savez qu'il a eu une aventure. Qu'est-ce que vous faites? Bah, si on a une aventure, c'est parce que on ne veut plus ce qu'il y a à la maison. Oui. Oui. Ouais. Donc ça veut dire il est temps de partir. Non, vraiment. Ah oui. Ouais, même si c'était non mais il était un c'était une soirée quoi, ça passe. Oui, ça va. Ouais, ça passe. Elle était en nuisette dans la chambre d'hôtel. Il a fait monter du champagne. Si conscience c'était nuance, si par exemple la fille était par terre par exemple, il s'est pris les pieds dans ses pieds. Et puis donc il est tombé. Oui, il est tombé sur elle et puis tout ça. Plusieurs fois il tombe, il se relève, il retombe parce qu'il est maladroit. Ah oui, il est très malade. Ça s'est vu aux urgences. Il est tombé tout zizi dehors. Voilà, et un peu d'hypocrisie, il te dit de toute façon que ce soit bien clair, quand j'étais avec elle, je pensais à toi. Voilà. Ah, non, ça passe pas. C'est bien essayé. Vous pardonnez ou pas? Ça veut dire si votre mec vous trompe une fois, c'est fini. Bah oui. Ah, c'est mort. Bah, c'est-à-dire que. T'es oui, mal, hein. Mais ça veut dire que. Ça veut dire on veut risquer. On veut risquer quelque chose. C'est vrai qu'il prend le risque. Valérie, après, on peut dire, on peut essayer de comprendre. Voilà. Valérie, je pense qu'elle peut passer l'éponge. Une fois, pas deux. Hein. Parce qu'elle est lucide. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Allez-y. Moi, je suis Patoche. D'accord. Je comprends pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. C'est quoi cette histoire? On sent vraiment l'interrogatoire. On est dedans. Là, c'est la garde à vue, hein. J'ai peur. On dirait les scripts reality le matin à 11h sur TF1. C'est vrai, on dirait au nom de la vérité. Non, mais attendez, parce que là, vous faites les malins tous. Mais je retourne le truc. Bah, retournez-vous. Ce sont des images de votre femme, de vos femmes que vous voyez. Attends. Au lieu de que nos femmes avec le mec d'Angoune. Par exemple. Au lieu que ce soit. Et qu'ils viennent nous voir en disant, on a fauté à Petra. Voilà. Bah, n'importe où. Il a la fauté. Voilà. Vous découvrez que votre femme vous a trompé. Je récapitule. Donc, Benaïm passe l'éponge. Angoune, non. Donc, Angoune, voilà. Angoune, c'est main. Benaïm, deux fois. Non, pas deux fois. Trois. Non. Le marteau de tapis. Ça passe. Trois fois. Ça passe. Trois fois, mais voilà. Pas la même année. Oui. Et pas les mêmes choses. Voilà, non, franchement, Benaïm. Non, une fois, il faut qu'il m'explique les circonstances. Il va vous les expliquer, vous inquiétez pas. Bon, y a Patoche qui nous écoute, là, il se dit, moi, c'est bon, j'ai une vie. J'ai un joker, les amis. Allez, c'est ma tournée, je remets ça. Non, mais là, c'est bon, aujourd'hui, comme lui, au moins, lui, il se dit, lui, de toute façon, c'est bon, moi, de toute façon, elle m'a dit, une fois, ça passe. Mais moi, je vous pose la question, messieurs. Ouais. Je vous pose la question. Cyril. Votre épouse, la maman de vos enfants vient vous voir parce et en fait vous avez vu dans son portable qu'elle avait fauté. Elle a fauté avec un photographe grillé. Sublime à vous Petra. L'avez grillé. Voilà. Petra, c'est important. Jürgen Bosch. Voilà, avec Jürgen Bosch. L'avez grillé. Vous pardonnez? Ah, le salopard de Jürgen. Non, moi je pardonne pas. Moi je pardonne pas. Quoi? Non. Jamais. Non, franchement. Même s'il y a circonstance, même si elle était, voilà, il l'a chauffée, elle a pas su dire non, mais elle est poussée, elle l'a réchauffée. Quoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est sympa, non, voilà. Non, non, Jean-Luc, il est comme moi. Hein. Non, moi, je serais plus magnanime. Ah oui? Ouais, ouais, moi, je préparerais moi-même ses valises. Tiens, mais il n'y a pas de souci, je le prends bien. Regarde, j'ai tout préparé. Et vous, Jérôme? Bon, vous savez, je suis d'origine mexicaine. Ouais. Mais au Mexique, on aime le partage. Oh non. Non, non, au Mexique, on rigole pas avec ça. Ah ouais? Et on peut se dire que dans le village, dans les semaines qui viennent, on va retrouver du tacos avec de la viande humaine. Oh là là, les garçons sont plus durs que les filles. C'est fou ça. Ouais. C'est fou, enfin, ça, heureusement. Allez, on va s'écouter Boulevard Désert. C'est parti. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pune désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais des fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. J'adore. Boulevard Désert, Bruxelles, extrait de Bruxelles. Et on aura Bob Sinclair, tiens, qui viendra nous voir tout à l'heure. Eh oui. J'espère que sa tante descendra nous voir. Sa tante? C'est les locaux, Anne Sinclair. Merci. Allez, on va passer au qui est au top aujourd'hui, c'est parti. Europe 1. Les pieds dans le plat, qui est au top aujourd'hui? Allez, on va poser des questions, les chéris, sur tout ce qui s'est passé hein, pendant ce week-end. Est-ce que vous avez eu le temps de bosser? Jean-Luc a toujours le temps de bosser, bizarrement. Les autres, beaucoup moins. Je rappelle, bah oui, il reste 4 jours. C'est parce que je prends sur mon temps de sommeil aussi. Les chéris, là, il reste 4 jours. Je vous le dis, là, c'est une victoire aujourd'hui à 10 points. Oh, c'est non, mais ça, j'en ai marre. Si, c'est bien. Quoi. Ça suffit, moi. Toute l'année, je construis ma victoire petit à petit. Et je perds tout dans la dernière semaine à chaque fois. Surtout que moi, je suis ras-le-bol. C'est une victoire à 10 points pour l'instant. l'instant, il y a 24 victoires pour Valérie, 25 pour Jérôme, une pour Angoune. Angoune, en 4 jours, elle peut être pas mal. Hein. Oui, peut-être. Hein. On sait jamais. Et Jean-Luc, 48 victoires. Victoire à 10 points aujourd'hui. Oh là là. OK. Attention, question pour vous, Jean-Luc. Qui a mangé des crudités, des brochettes de poulet avant de recevoir un maillot floqué avec son numéro 24 hier soir? François Hollande. Bravo. Eh oui, il était à Clairefontaine hier pour dîner avec l'équipe de France. Ils ont mangé des crudités en entrée, des brochettes de poulet avec de la semoule ou des pâtes au choix. Je crois qu'il a pris du couscous garbite. Il a pris les deux. Oui, lui, il a dit, je vais pas prendre au choix. Et il a eu son maillot numéro 24 comme le 24e homme. Ouais, c'est souvent le 24e homme, François Hollande. Et vous savez qu'il joue très bien, hein, François Hollande au foot. Hein. Il paraît. Ouais, il adore ça. Ouais. Ouais, il a joué quand il était plus jeune. C'est quoi son poste? Il était ailier, il était très rapide. Et il était vif comme l'éclair. Ouais, il courait vite. C'était quand ça? C'était là, il y a pas longtemps, quand il était jeune. C'est-à-dire? Ah oui. Bah, il était plus jeune, il est pas très vieux. Il se l'est dit en scooter aussi, il était à Fontainebleau. Non, mais voilà, donc il est allé manger avec l'équipe de France. Je sais pas si vous avez remarqué, ils arrêtent pas de leur faire des animations, l'équipe de France. C'est le centre aéré. C'est le centre aéré, là. Ils arrivent à jouer. On ne sait plus quoi faire. En tout cas, ils ont bien joué samedi soir. Je vais pas regarder le match, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je crois que l'opposition n'était pas non plus phénoménale. C'est vrai que les Écossais, c'est plus que c'était. J'aime bien l'Écosse. Je pense que vous connaissiez même pas un seul joueur de. Si, Mac Callaghan. Par celui qui jouait à Marseille, on n'en connaissait aucun. Il y avait qui? Fletcher. Ah ouais, Fletcher, exactement. Jessica Fletcher. T'imagines? Elle joue là-bas. Qui jouait contre Jessica Fletcher? Angela Lansbury qui court sur le terrain. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont mis 3-0. J'ai encore regardé les arabesques, qu'est-ce que c'est bon. Mais vous les connaissez par cœur. Mais c'est vrai qu'on se lasse pas. Mais vous savez que les meurtriers, c'est toujours les mêmes à la fin. Pas du tout, m'arrêtez. Est-ce que vous connaissez la ville? Kabotkov, dans le Maine. C'est la seule ville, mon frère. T'as 5000 habitants, t'as 4999 morts. C'est une ville de 5000 habitants, tous les jours t'as un mort, mon frère. Et dans Arabesque, vous avez remarqué ou pas? Franchement, Jean-Luc, sans déconner, c'est vrai, à chaque fois, ils nous font le coup, un épisode sur 10, où le gars, il a fait genre il mourait. En fait, il est pas mort. Ouais. Pour voir s'il était mort, qui aurait voulu le tuer. Ouais. Et Angela, elle a trouvé le gars qui aurait pu le tuer même s'il était pas mort. Enfin, ouais, vous avez compris. C'est fou ça, et le gars il sort du plat. Mais je rigolais les gars. Oh, et voilà. Et Angela dans une forêt déserte, hein, elle a 80 piges, elle est toute tremblante et elle sort son flingue devant un mec qui fait 2 mètres et elle a pas peur. Non mais c'est ça. Et le gars non, même pas, elle a même pas de flingue. Elle arrive elle fait allez, sois raisonnable Angie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tirer dessus et puis après hein, voilà, et là le gars se rend et fait non mais elle m'a mis la race race là. Ouais. C'est bon. Et après il y a Hercule Poirot j'en sais pas. J'adore ça. Hercule Poirot. C'est très TMC. Je préfère. Ah bah TMC. Hercule Poirot, il est très très. Hercule Poirot. Vous aimez des séries d'action sinon? Ah non, mais Hercule Poirot. Qu'est-ce que vous regardez comme autre série d'action? Hercule Poirot quand il est réuni tous à la fin. Ça c'est ça qui est formidable. Et qu'il refait tout le cheminement. Madame Fishburne. Alors qu'on vous croyait. Parce que maintenant il a l'accent anglais. Ouais. Vous avez vu parce que c'est un Belge en fait dans le vrai. Dans et là maintenant il fait Madame Fishburne. À 10h15 vous êtes allé jouer au tennis. Ça c'est un accent anglais ça. Oui. c'est créole. Il est créole anglais. Madame Fishburne vous avez été jouer au tennis. Ça, c'est Hercule Poivreau. Non c'est Hercule Poivré. Mais j'adore. Il fait ça. Mais vous avez largement le temps de monter sur la colline, de tirer 2 coups et de redescendre, de mettre votre tenue de tennis pour être à 10h30 en bas sur le court avec Monsieur Rasberg. Quant à vous, Monsieur Rasberg, vous avez dit être, ne pas connaître cette pièce alors que vous êtes rentré dans le noir et vous avez appuyé directement sur l'interrupteur. Ça, c'est impossible. C'est génial, ça. On ne peut pas savoir où est l'interrupteur quand on rentre dans une pièce pour la première fois. Voilà, tous les week-ends, je me fais arabesque, Hercule Poirot et bien sûr Colombo. Hey, Colombo. Mais samedi soir. Mais ça passe où? Samedi soir, TV Brest, il y en a 2 à la suite. Oh là là là là. Mais Colombo, il a. Ouais, c'est votre oxygène. Ouais, mais je vais vous dire, c'est trop facile. Colombo, ce qui m'énerve dans Colombo, et on est tous d'accord, c'est que Colombo, dès qu'il arrive, la première personne qu'il croit, c'est le meurtrier. C'est-à-dire, il a une chance de ouf. Parce que, imaginons, il passe 1h30 sur ce gars-là et que c'est pas ce gars-là, eh ben, il est mort. Mais c'est vrai. Bah ça fait cher l'épisode. Bah voilà, bah c'est ça. Voilà et donc tout de suite il sait que c'est lui. Et le mec il veut pas le lâcher. Moi je crois qu'il y a des mecs tellement ils avaient la race rat de Colombo. À un moment ils lui ont dit c'est moi parce qu'ils en pouvaient plus qu'ils les suivent. Non ça ils ont dit allez ça y est. Non mais c'est vrai Jean-Luc sans déconner. Non mais c'est vrai, ça serait beaucoup plus intéressant s'il croisait plein de gens pendant 3 quarts d'heure où ils disaient bah non c'est pas moi j'ai rien à faire. Au niveau du suspense t'imagines. Non mais Colombo on dirait que dès le mec on dirait qu'il est obligé d'avouer. Ouais on dirait Colombo. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est principe. Genre le Colombo il devrait dire moi si je faisais une série policière. Ouais. Ce serait un programme court. Ah bon? Ouais, franchement, je vais voir le gars.

L'équipe de France, d'ailleurs, en parlant d'équipe de France, complétez le slogan au Goon que l'on peut lire sur le bus des Bleus depuis hier. Votre force, notre... Je ne sais pas. Votre force, passion. Notre passion. Ce sont les supporters qui l'ont choisi. C'est donc votre force, notre passion. Dès qu'on parle passion dans le foot, moi je repense à cette chanson de Johnny que j'ai écoutée tout le week-end. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Et vous avez écouté ça ce week-end? Bien sûr. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout. Votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. C'est ma chanson préférée. Seule la voix compte. C'est pour ça il faut partir. Mimi Cracra, l'OL aime ça. Mais sérieux, vous avez écouté ça tout le week-end? Ah ouais, j'ai adoré. Toujours, j'étais dans la voiture, je mettais ça, j'étais comme à ouf. Et quand vous avez passé la voiture le week-end dans la voiture? J'adore, j'ai fait des tours en voiture, c'est ma passion. Ah bah bien sûr. Dimanche, c'est samedi, je suis allé. Arrêtez de passer en voiture, on n'entend plus Johnny. Le week-end de Cyril, vous regardez Arabesque et Hercule Poirot et vous faites des tours en voiture. Ça vaut le coup de réussir dans la vie. Je suis allé à Roland-Garros aussi avec mon fils. C'est vrai, oui. Je suis allé à Roland-Garros avec mon fils. Avec mon fils ou votre fils? Mais je vous jure qu'il y a vraiment une personne qui m'a posé la question. C'est très drôle. Non, mais c'est pas en vanne. Tu filmes avec Gaël ou avec ton fils? Non, avec mon fils. Ouais. Ouais. Et alors que de son gars, il n'y a pas de. Non, je suis allé avec un tanga. Un tanga à Roland-Garros, non. Non, voilà, non, ça passe pas non plus. Non, moi, sinon, j'ai fait Arabesque. Ouais. C'est après Roland-Garros. C'est samedi, ça. D'accord. Et le lendemain, dimanche, tour en voiture. Et avec Johnny à fond. Ouais, j'adore. D'accord. Mais ça vous procure quoi? Mais attendez, moi, je voudrais savoir, votre bracelet électronique, il marche dans quel arrondissement? Il est où le commissariat de base? Non, je suis avec des copains. Mmh. On se met dans la voiture. On est à 5-6 dans la voiture. Très serré. Et il a dit, et il mange du poulet. Ouais. Vous mangez du poulet grillé. Vous baladez dans Paris ou c'est juste périph? Ah non, on fait périph, Paris, Mais sans but. Sans but. Juste, on écoute des chansons. On est bleu! Voilà. Vous mangez pas du poulet dans la voiture. Si, on mange du poulet dans la voiture. Et vous essuyez sur le cuir en train d'arriver. Ah. Mais vous avez vu des films de Chicano, ça m'égaye, comment ça se passe? Mais c'est tellement ça. Est-ce que vous avez croit qu'il est impossible? Vous avez des voitures à ressort aussi, des choses comme ça? Mais qui croit qu'il est chef de gang? Est-ce que vous voulez que je vous montre la photo d'hier avec la tenue que j'avais hier quand on est allé faire des tours en voiture? Ah bah oui, on veut bien, oui, bien sûr. Vous la voulez? Bah, vous avez une tenue particulière. Je vais vous la montrer. Ah bah il a sa tenue de gang. Je vais vous la montrer. Je pense que vous avez dans les cheveux. Je pense que vous allez charrier à vie. Parce que vous avez un look particulier. Non, mais vous allez charrier. Vous allez charrier à vie, je vous la montre. Moi, je voudrais savoir de quoi vous parlez quand vous êtes là tous les cinq. Mais on ne parle pas, on chante, on met les yeux de la maman, on met comme ça, on est dans la musique à fond. Mon Dieu, laissez-les-moi. Mais les gens dans la voiture, ils sont volontaires. Mais bien sûr, et à chaque fois qu'elle termine, on fait comme ça. Non, franchement, elle est trop bonne, faut la remettre. On la remet, les gars. Ouais, on la remet. Non, sérieux. Laissez-les-moi, les beaux yeux. Donc là, on est en survette. Ouais. On est dimanche matin. On fait des tours de périph. On sait pas où on va. On mange du poulet grillé. Ouais. À 6 mecs entassés dans la bagnole. Ouais. Et on écoute les yeux de la mama. Exactement. En fait, C'est vrai, parce que quand il n'y avait plus d'essence, vous étiez le plus impacté de France, en fait. Ah bah ouais, Bah oui. Parce que ça foutait en l'air vos week-ends. Il vide un réservoir par jour, donc. Juste en faisant 50 mètres. C'est magnifique. Non, mais sans déconner, vous savez pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Venez un jour, on se le fait ensemble. On va pas vous embêter. Parce que sinon, on va parler de quoi après? Ouais. Mais pourquoi? Mais vaut mieux vous nous le racontiez, c'est mieux. Et après on met aussi on met plein de chansons. Voilà, on Matt Pokora, vous la dernière fois j'étais avec Mathieu Delormeau, on a écouté du Hervé Villard dans la voiture. Pourquoi? Comme ça. Nous, c'est une illusion qui meurt. Mais vous l'aviez le morceau CD. Vous l'avez? On l'a mis sur le smartphone. Hein? Parce que dans votre téléphone vous avez Hervé Villard. Bah bien sûr, il est toujours là, il est dedans, il habite dans le téléphone. Faudrait que vous nous donniez la playlist quand même parce que il y a Méditerranée, il y a Capri. Excusez-moi, on résume bien, vous étiez dans une voiture avec Mathieu Delormeau, vous écoutiez du Hervé Villard. Oui. D'accord. Devenu hétéro curieux à quel moment.

17h, vous êtes bien sûr en repas. On va faire le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Millet. Bonjour Isabelle. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Il faudra du temps pour réparer les dégâts des inondations, mais Manuel Valls promet que les indemnisations arriveront vite. Pour venir en aide aux sinistrés, le Premier ministre annonce la mise en place d'un fonds d'extrême urgence destiné aux personnes les plus modestes. Une réunion s'est tenue ce matin entre les assureurs et le gouvernement. Le coût global de ces intempéries pourrait dépasser le milliard d'euros. Manuel Valls qui s'est rendu aujourd'hui à Montargis, dans le Loiret, particulièrement touché par ces crues. Quant à la Seine, elle continue de descendre doucement mais sûrement, mais 7 départements restent placés ce soir en vigilance crue. La Seine-Maritime, l'Eure, l'Essonne, le Loir-et-Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Cher. En Belgique, les orages pourraient expliquer le dramatique accident ferroviaire d'hier soir. Un train de voyageurs a percuté un train de marchandises à l'arrêt sur la même voie entre Namur et Liège. Il y a 3 morts et 9 blessés, dont certains dans un état critique. L'hypothèse de dommages liés à la foudre sur l'infrastructure ferroviaire est évoquée. En France, à la SNCF, c'est la réunion de la dernière chance en ce moment pour sortir du conflit. Direction et syndicats tentent de trouver une solution. Une grève qui coûte plus de 20 millions d'euros par jour à l'entreprise, d'après le porte-parole de la compagnie ferroviaire. Ce calcul comprend entre autres le manque à gagner des billets non vendus et les pertes liées à la paralysie des activités de fret. Une visite mouvementée ce matin à Montreuil en Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron, bousculé et visé par des G2 lancés par des opposants à la loi travail. Le ministre de l'économie dénonce les comportements inacceptables d'agitateurs professionnels. La dépouille du boxeur Mohamed Ali est arrivée à Louisville dans le Kentucky, sa ville natale où se dérouleront ses obsèques vendredi. C'est l'ancien président Bill Clinton qui prononcera l'éloge funèbre. L'incertitude demeure sur la présence ou non de Barack Obama. Notez que le Ramadan, le mois du jeûne pour les musulmans, commence aujourd'hui. Et puis sachez qu'à partir de 19h, le club de la presse d'Europe 1 recevra Aurélie Filippetti, la députée socialiste de Moselle, ancienne ministre de la Culture. Elle sera interrogée par Nicolas Poincaré et par les grandes voix ce soir, Arlette Chabot, Gérard Carrérou et Serge Lully. Très belle fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Cyril Hanouna et toute sa bande. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat, dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Il ne reste plus que 4 émissions des pieds dans le plat, les chéris, puisque jeudi, on sera plus là et vendredi, c'est donc, ça y est, on rentre dans l'euro, hein, ouais. Direct de plein pied dans l'euro, bim, ça y est, les deux pieds dedans. Valérie Benahim est là. Bonjour. Jérôme Commander. Bonjour. À la Ciota. Bonjour. Et notre ami Jean-Luc Lemoine. Bonjour. J2L s'envole dans le ciel. J2L est beau comme une hirondelle. J'ai envie de faire une chanson sur vous. Quel poète, avec ses paroles. Ouais. Mais je sais pas, une chanson genre à la Vincent Delerme, quoi. Une belle chanson, oui, ou pas. On est dans le quai de top aujourd'hui. Il reste 2 minutes 20 de questions. Il y a Jean-Luc Lemoine qui a un point et Valérie Benahim qui a un point. On a posé 2 questions. Ok. Mais 2 très bonnes questions. Ouais, elles étaient excellentes. Attention, ce week-end, les jeunes sympathisants d'Alain Juppé ont parodié une chanson de Maître Gims à la gloire de leur candidat. Du coup, quel est le titre de cette chanson, Jérôme Commander? Sapé comme Alain. Non, non. Juppé comme jamais. Juppé comme jamais. C'est ça. Est-ce qu'on leur a dit à ces jeunes qui ont pourtant fait des études que Juppé comme jamais, ça veut dire on veut pas de Juppé aussi? Non, comme si, on l'a jamais vu, quoi. Non, c'est ça qu'ils veulent dire. On veut Juppé comme jamais, on l'a jamais autant désiré. Bah oui, non mais jamais. Là, après, quand il fait Christine et Boutin. Non, mais Christine et Boutin. Non. Non mais là, Jérôme Commander, il a voulu faire une remarque, mais il est passé à côté, mais on l'aime bien quand même. Allez, les loups, on peut avoir Nikos. Ah. Nikos et Mikui de The Voice. Selon l'Express, l'émission aurait mis le grappin sur une nouvelle chanteuse pour remplacer Zazie. Ah, oui. Qui ça peut être? Lara Fabian. Lara Fabian, bien joué mon loup. Je t'aime. Elle a un larynx de plus de 15 cm de circonférence. Elle peut chanter à près de 800 décibels. L'équivalent d'un Boeing 777. Elle peut vous faire tomber les cheveux avec la voix. J'aurais dû le demander, je l'ai croisé hier. Elle est tellement sympa, Lara Fabian. J'adore cette femme. J'adore cette femme. Qu'est-ce que vous avez fait pour croiser Lara Fabian? Ouais, c'est qui croise Lara Fabian? Je suis en tournée, je bourre là. Il est très jet set. Et donc, j'étais à l'aéroport de Lyon et on allait tous les deux à Bruxelles. Elle est sympa, Lara. Elle est très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. C'est une de mes femmes préférées. Mais il y en a combien des femmes préférées? Il y en a beaucoup, là, quand même. Là, en fin d'année, moi, je suis un peu perdu. J'aime les femmes. Vous avez dit, il y en a une vingtaine. Exactement. Non, et quand vous dites, j'aime les femmes, faut dire, j'aime la femme. Ouais, avec un grand F. J'aime bien ces grandes phrases où, j'aime le beau sexe. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas immortel, j'adore. Ah oui. Elle est mortelle. Moi, j'aime bien quand elle s'énerve. Ouais. Les chanteuses à voix, elles s'énervent dans les chansons. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'Etienne Dao, il s'est rarement énervé. Hein. Non, mais quand ça s'entend moins. Vous regardez Céline Dion quand elle est en pleine montée. On met une tarte. Week-end à Rome. Ouais. Oh, je suis en colère. Je suis en colère. Ah oui. Afin de coincer ma bulle. Dans ta bulle, je te dis. Non, mais ouais, mais il s'énerve pas, Etienne Dao. Ça s'entend moins. Il est tranquille, il est calme. Hier, en pleine finale de Roland Garros, Andy Murray a crié Get him out. Faites-le sortir à son entraîneur. Mais de qui parlait-il? Get him out. Son père? Non. Non. Mais Nelson Montfort. Bravo, Nelson Montfort. Pourquoi? Eh ouais. Pendant le premier set de la finale d'hier, Nelson Montfort a voulu interviewer Jamie Delgado, l'entraîneur d'Andy Murray. Il est entré dans le box, mais ça n'a pas plu à Andy Murray qui a donc crié Get him out. Nelson a obéi et Andy a perdu. Vous qui connaissez bien le tennis, honnêtement, moi je m'y intéresse pas trop, mais est-ce qu'il est vraiment apprécié Nelson Montfort ou est-ce qu'il gonfle certains joueurs? Alors, parlons des vraies choses. Mais ils prennent sur eux. Il y a des gens qui l'aiment bien. On a vu des séances, notamment avec Gaël Monfils, où c'était pas très chaleureux. Non, mais parce que c'est pas pareil. Là, il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais sinon, non, la plupart des joueurs, il y a des joueurs qui l'apprécient bien. Nadal l'aime bien. Roger aussi aime bien Nelson Montfort. Pour se faire pardonner, Nelson pourra envoyer son CD d'Ivaldi où il récite les poèmes de Vivaldi à Noël. Exactement, les quatre saisons. Voilà. Non, mais c'est pas sympa, le pauvre Nelson. Parce qu'il, je vous explique ce qui se passe aussi dans un instant. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous êtes au service des sports de France Télé. Et Nelson, c'est pas facile pour lui tous les jours. À tout de suite. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna. 118 712. Le numéro de référence pour trouver un médecin. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis ce jour où j'ai pris la voiture pour aller chercher le pain. 2 ans que je regrette de m'être dit que j'avais pas besoin de ceinture. 2 ans que ma vie a basculé à 300 mètres de chez moi. 2 ans que mon fils aîné fait mes lacets, que son petit frère m'aide à manger, et que ma femme s'occupe du reste. Tout le reste. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala et centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et beIN Sport. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%? Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Et là, je dis à mes potes que je suis passé chez Direct Énergie pour l'électricité et le gaz et que j'économise 10%. Ah, oh, c'est sympa. Et là, ils me disent qu'ils l'ont déjà tout fait avant. Mais toi, tu... Ben, moi aussi. Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans? Ok. Ouais. Avec Direct Énergie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Services et appels gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va continuer le qui est au top, bien sûr. On parlera de Murray, on parlera des gains également à Roland-Garros. À tout de suite. La zone anti-déchère est chez Intermarché pour encore une semaine. Et cette semaine, grâce à 50% de remise immédiate, la bouteille d'huile d'olive Gallo de 75 centilitres est à seulement 3,37€. 3,37€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,49€ le litre du 7 au 12 juin, magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour patron, dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est très à l'aise quand on conduit Citroën C4 Picasso avec Vision 360 et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, profitez d'une reprise Argus plus 5 500€ sur Citroën C4 Picasso. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Citroën C4 Picasso AMB7 ou intérieur neuf dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Europe 1, les pieds dans le plat, 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Merci Rambou, merci Jean-Luc Lemoine, merci Valérie Delany. Merci Jérôme, commandeur. 2 points pour Jean-Luc, 1 point pour Angoune, 2 points pour Valérie. Jérôme, commandeur, n'a pas de points, mais il a de l'humour. Et ça, ça pourra toujours le sauver s'il est dernier de la classe. Les chéris, Nelson Monfort, faut que vous sachiez, il a une oreillette, le pauvre. Et il y a les mecs qui lui disent, allez, vas-y, va sur le terrain. Là, on a un peu de temps. Essaye d'aller faire une interview, là, du coach de Murray. Le pauvre, il y va. Il faut déjà qu'il ait des cojones d'y aller. Rentrer dans le box. Dire, voilà. Oui, je suis avec, Jamie Delgado. Voilà, c'est une talasse, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je serais incapable de faire ça. Après, il l'a choisi aussi, hein. C'est son métier et ça fait longtemps qu'il le fait, donc il sait très bien à quoi il s'expose. Non, mais c'est sûr. On va pas le plaindre non plus. Non, mais c'est sûr, mais bon, c'est pas. C'est imaginez-vous, pas Cyril, s'il y avait un mec de Bein Sport qui venait vous interviewer pendant les pubs de Touche pas à mon poste. Soyez très énervé. Non, ça me dérange pas. Ah non, vous êtes là, vous êtes en train de gérer votre émission, vous êtes un pilote d'A380. Vous êtes déjà venu dans l'émission? Quoi? Oui. Vous avez vu ce qu'il fait pendant les pubs? J'essaie de vous mettre à son valeur. C'est l'email. Tu vois le mec qui fait la chenille, c'est Cyril. Allez, on va parler encore de Roland-Garros. Et à ce propos, avec son parcours à Roland-Garros, Novak Djokovic a passé une barre symbolique de gains. Combien de millions de dollars a-t-il remporté depuis le début de sa carrière? 100. Bravo. Wow. 100 millions. Il en est à 102 millions depuis hier. C'est le joueur le plus riche de l'histoire du tennis. Ah voilà, oui. Il est loin devant tout le monde. C'est le numéro 1. À votre avis, qui est le numéro 2? Le joueur, le deuxième joueur le Federer. Plus riche. Federer, bien joué avec 98 millions. Numéro 3. Nadal. Exactement, avec 78 millions. Quatrième joueur le plus riche de l'histoire. Sampras. Non, Sampras est cinquième avec 43 millions. Agassi? Non, Agassi est sixième avec 31 millions. Non. Murray? Non, Murray. Murray est quatrième. Ça veut dire que oui, c'est surtout les droits. C'est l'inflation. Les primes ont explosé ces dernières années. C'est-à-dire, voilà, vous avez un joueur comme Thomas Berdych, qui est pas hyper connu, qui est neuvième joueur de tous les temps au niveau gain, avec plus de 24 millions de dollars de gains. Vous vous rendez compte ou pas? Non, mais c'est ça, donc. Et est-ce qu'on peut dire qu'il gagne la même chose en contrat publicitaire? Ça dépend desquels. Je vous dis, Novak Djokovic, par exemple, il gagne beaucoup moins en contrat publicitaire qu'un Federer ou qu'un Nadal, qui sont, même si Novak, voilà, est numéro un mondial. Attends, et Gerblay et Peugeot? Oui, mais je vous dis, Federer et Nadal ont gagné beaucoup plus en contrat publicitaire parce Nadal, que c'est vrai qu'ils sont moins bien classés maintenant, mais ils ont une aura qui est au-dessus de celle de Djokovic. On va prendre un exemple. Par exemple, en demi-finale, il y a eu Stanislas Wawrinka contre Murray. Et comme ils étaient en retard, Djokovic a dû jouer sur le Suzanne Lenglen, sur le court annexe. Sachez-le, jamais Nadal ou Federer n'auraient joué sur le court annexe. Hein. Ils auraient joué sur le central. Jamais ce serait permis de le faire avec Nadal ou Federer. Non, mais il y a deux poids deux mesures. Et là, je soulève un lèvre. Je vous le dis. Voilà, Benaïm, on est d'accord avec moi. On est d'accord complètement. Voilà. Vous savez que Federer refuse pratiquement de jouer sur le Suzanne Lenglen. Il veut jouer que sur le central. S'il ne revient pas. Il peut se permettre. Et Nadal, pareil. Hein. Donc je vous dis attention à ces joueurs, attention. Hein. Allez, on va parler du Ritz. Qui est déjà allé au Ritz, tiens, le Palace? Non. Oui, monsieur. Tiens, vous avez fait quoi là-bas? J'ai déjeuné. Au Ritz. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Et vous, Valérie Benaïm? Oui, maintenant ça me revient. J'ai déjeuné avec Étienne Moujotte au Ritz. Non, oh, l'ancien patron de TF1. La classe. Ouais, c'est, moi, c'était... j'ai mangé des Ritz, des petits biscuits apéritifs. Là. avec le bout chocolat. Mais moi aussi, je suis jamais rentré dans le Ritz. Quand même. Jamais rentré dans le Ritz. Je suis rentré dans le Campanile, je suis rentré dans le Courtepaille. Ça va être encore beaucoup plus beau. Ah oui, non, et alors, maintenant que vous m'y faites penser, je me suis fait masser aussi. Non, Ritz. C'est pas vrai. Ouais. Ah ouais, mais quelle vie. Tiens, Moujotte. Non, il y a un truc qui est formidable et qu'on fait pas, mais qu'on devrait faire, c'est d'aller prendre juste le thé ou un coca ou n'importe quoi dans les trucs, dans les bars des hôtels comme ça. Un thé à 150 euros, c'est bon. Non, ça coûte quoi, 10 euros de plus. Mais le cadre, tout ça. Non, mais moi je le fais jamais. Je me dis à chaque fois. Attendez, quel est votre monde? Quel est avec vos amis? Ça, c'est le monde du talk show sur LCI. C'est-à-dire que quand tu dis que ton café il va te coûter 10 euros de plus, déjà tu payes combien le café de base? Bah c'est ça. Parce que quand tu payes 5 fois le prix du café, c'est quand même compliqué. Non mais Valérie Benaïm, non mais je sais pas combien coûte un café au Ritz. J'y vais pas. D'ailleurs, on va parler de prix pour le Ritz. Le Palace du Ritz à Paris réouvre ses portes aujourd'hui après 4 ans de travaux. Ouais, ouais. Mais à 100 euros près, combien coûte la chambre la moins chère pour une nuit? La moins chère, ça veut dire vous avez une chambre, frère, allez faire halas, ça ne met pas de stade étoilé. Ouais, madame. 3000? Non. Non. 1000? Non. C'est pas 1900? Non. 1300? 1300 euros, bravo Valérie Vélé. 1300 euros. Vous n'avez pas les mêmes infos que... Ah non, non. La chambre la moins chère. C'est la moins chère, 1300 euros. Celle de 40 mètres carrés. Bon, c'est quand même pas mal. Ah, c'est pas mal. 40 mètres carrés, c'est grand, quand même. Enfin, 1300 euros, les gars, vous êtes fous, quoi. Ouais, mais 1300 euros la nuit. La plus chère, c'est la suite Vendôme. Alors, 27? Elle fait 165 mètres carrés et elle coûte 12 000 euros la nuit. Ouh. Est-ce que vous avez déjà été dans une chambre d'hôtel magnifique, dans un hôtel, vous avez, voilà, un de vos mecs vous a fait une surprise incroyable, genre une chambre hors de prix, vous nous le direz dans un instant. Ah, il y a Angoune qui dit, oui. Ah oui, elle dit, voilà. C'est Madonna, attends. Eh ben voilà, bah ouais, bah Black & Decker encore frappé. On va s'écouter Lucas Graham, c'est parti. Tous les jours, 16h, 18h30, sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Seven Years Old, Lucas Graham sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Valérie Bonaim, yes, Jérôme Commandeur. Hello everybody. Hello. Jean-Luc Lemoine. Yeah. Et Ongun. You're listening to Europe 1. Merci. Europe 1. Europe 1. Vous avez un accent magnifique. Hein. Bravo à vous, c'est tout à votre honneur. On parlait donc du Ritz. Eh oui, le Ritz, donc la chambre la moins chère, celle de 40 mètres carrés, fera 1300 euros la nuit. Ouais. Oui, oui, c'est fou. Oui, ça peut paraître dingue. Mais Valérie Benaim, est-ce qu'un jour, il y a un prince charmant qui vous a fait comme ça une magnifique surprise et qui vous a mise voilà, dans une chambre, dans une chambre. Oui. Transportée. Terminez vos phrases, monsieur. Comme une lune de miel. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Non, en revanche, j'ai eu la chance d'avoir une chambre au Carlton parce que je couvrais pour LCI, justement. Ah. Au Carlton de Lille, oui. Au Carlton de Lille avec DSK. Non, pas du tout. Je couvrais le Festival de Cannes. Vous étiez en train de couvrir DSK, voilà. D'accord. Et donc, on m'a gentiment donné une chambre au Carlton. C'était pour le talk show. À l'époque, pour le talk show, exactement. Ouais, exactement. Et ils en ont dépensé de la merde. À l'époque, il y avait de l'oseille. Oui, mais non, non. Et franchement, les chambres sont sublimes. Elle n'était pas très grande, ma chambre, mais c'était très joli, vraiment. Carlton, je sais. Un service incroyable. C'est un très, très bel hôtel. C'est très, très bel hôtel, vraiment. Voilà, Benaim, apparemment, elle veut y retourner puisqu'elle veut que les propriétaires. Écoute l'émission et disait tiens, si on invitait Benaim deux jours au Carlton. Ah non, ils sont des vraies stars. Non, non, bah non, arrêtez. Benaim, moi je me demanderais s'il n'y a pas une suite parce que là-bas il y a des noms. Ça y est, oui, Carlton, oui, oui. Là, genre, il y a la comme suite. La suite de Niro. Voilà, exactement. Bah, pourquoi pas une suite peut-être. Un placard Benaim. Ouais. Le placard Benaim. Ouais. Ouais, ça se tient, ça se tient. Une buanderie. Vous, la salle de repassage. Oh non. La salle de repassage. Je vais en Benaim là, au moins deux. Tu sais, je vais chercher un balai au moins deux au Benaim là. D'accord. Jean-Marc, qui descend au Benaim avec moi là? Je suis flatté. Langoun. Ah oh non mais elle a voyagé dans le monde entier. Langoun, elle va nous faire rêver. Ouais, ouais. Langoun, on dirait un poisson rare. Ouais, je sais, ouais. Exactement. Vous savez qu'il y a un cocktail Langoun. C'est pas vrai. Non. À l'hôtel Meurice. Non, Meurice. Meurice oui. Comment? Meurice, là. À Paris. C'est qu'est-ce qu'ils mettent dedans dans Langoun? Qu'est-ce qu'on lui met dans Langoun? Il y a du de la purée de mangue, un peu de rhum. Est-ce qu'on vous secoue? Pour que la pulpe remonte. Oui, voilà. Non, mais je suis sérieuse. Et pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, est-ce qu'il y a du Virgin Angoune? Non, mais Angoune. Non. Juste, vous y alliez tellement qu'ils ont fait, donc. C'est classe. Ils ont fait ça, là. Vous avez dû en prendre des murges avant qu'ils vous consacrent à un cocktail. J'y suis allé une fois, moi, à l'hôtel Meurice. Meurice Choucroune. Et ils vous ont pas fait un Anouna? Un Anouna. Pourquoi tenir cet accent que vous dites un Anouna? Un Anouna. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on mettrait dans l'Anouna? C'était le mariage de Thierry Ardisson. Ah, très sympa. Ah ouais. Qu'est-ce que vous mettriez vous dans un Anouna? Non mais c'est une mauvaise question. Ça, bah, allez. Ça c'est une question qui ne mènera nulle part. C'est une question qui ne mènera nulle part. Vas-y, on va revenir sur Angoune. Écoutez, quand ça s'appellera les pieds dans le commandeur, on pourrait poser des questions sur les cocktails. Hein, pour l'instant, ça s'appelle encore les pieds dans le plat. Hein, voilà, je vous le dis. Angoune. Oui. Vous, est-ce qu'il y a un mec voilà qui vous a fait un truc de ouf? Oui, un truc de ouf, oui. À Venise. À Venise. Ah, oui. À Venise. Venise la blanche. Venise la belle. Venise la marquise. La marquise de Venise. Oh, la comedia dell'arte. Le rondo veneziano. Eh oui. Alors, et donc, qu'est-ce que vous avez fait à Venise? Quoi? Non, mais quel hôtel? Oui, oui, non. Oui, bien sûr. Avec la vue sur la lagune. Lagune? Sur la lagune. La lagune qui était dans le parc. Sur le canal. Avec les gondoles. Avec les gondoles. Ben oui. Et c'était quoi magnifique. Cet hôtel? C'est un vieux palais. C'est quoi? Oui. Faites-vous rêver. Racontez. L'hôtel Danieli.

tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Excellent après-midi avec la joyeuse bande de Cyril Hanouna sur Europe 1, Valérie Benaïm, Angoune, Jérôme Commandeur, Jean-Luc Lemoyne. Ils sont là aujourd'hui. Ils recevront tout à l'heure le DJ Bob Sinclair. Et vous jouez dans les pieds dans le plat. Vous vous inscrivez à tout moment pour essayer de gagner de très beaux cadeaux. Et il y a pour vous ce séjour de 7 nuits pour 4 personnes, séjour au choix dans les établissements vacanciels. Alors pour tenter votre chance par SMS, vous envoyez PDLP au 739-21, 65 centimes le message de SMS pour participer, ou vous appelez le 39-21, 50 centimes la minute, plus coup de l'appel. Bonne chance à tous. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, c'est Lanula. Il nous reste 1 minute 35 de questions. Pour l'instant, Jean-Luc Lemoyne a 2 points. Angoune, 1 point. Valérie Benaïm, 3 points. Jérôme Commandeur, 1 point. Il y a 10 victoires à gagner là. Là, aujourd'hui, ça vaut 10 victoires. Il les faut. Oui, c'est bon. Monsieur Bélois fête ses 38 ans aujourd'hui. Dans un instant, on va écouter ses plus grands tubes. Mais qui est Monsieur Bélois? Qui est Monsieur Bélois à Angoune? Ah, oui, c'est Faudel. Bravo. Oh là là, bravo. Le petit prince du rail. Vous savez quel âge il a, Faudel? 38 ans. Bah oui. Moi, je l'ai dit. C'était dans l'intitulé de la question. Ah, mais Yannick, elle me regarde, mais 38 ans, genre. J'ai bien bossé. Quelle arnaque, sans déconner. Le petit prince du rail, tellement je t'aime, il fait ça. Collé d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Vivre. Sans oublier un deux trois soleil. Faudel qui avait des parts dans un kebab. Ah oui, c'est vrai ça? Oui, il avait des parts dans une société qui exploitait un kebab. Ah d'accord. Voilà. Mais vous en parlez à l'imparfait, il a plus de parts dans le kebab? Je sais pas du tout, j'ai pas encore eu les statuts, je vais aller sur société.com. Laissez-moi deviner. J'ai un pote au tribunal de commerce, si c'est peut. Sans déconner, les mecs, ça serait énorme qu'on appelle vraiment pour savoir. Est-ce que Faudel a toujours des parts dans sa société de kebab? Un garçon charmant, Faudel. Ah oui? J'aime beaucoup. Ah oui, vraiment. Vous connaissez personnellement? Non, mais j'ai reçu. Vous l'avez pas reçu dans le talk show sur MC? Non. Je suis passé à côté. Vous êtes passé à côté de pas mal de choses. Est-ce qu'il est toujours dans la chanson? Bien sûr, il est dans la chanson. Il fait un carton partout dans le monde. Ah bon? Ah, c'est possible. Non, je vous le dis. Où dans le monde? Dans le monde, quoi. Je sais pas, les pays comme ça qui viennent. C'est large. Il y a un mystère, Faudel, je pense. Pourquoi? On sait pas s'il a encore son kebab, on sait pas s'il est encore dans la chanson, on sait pas où il est. Dites-leur comme il est sympa, Faudel. Il est vraiment très sympa, c'est vrai. Il en est où là? Ah, ça, je sais pas. Voilà. Le mystère. Vous voyez, il y a un mystère, Faudel. Il y a un mystère. Il a un portable? Faudel? Oui. Vous n'avez pas son numéro? Vous avez votre numéro? Non, pas du tout. Personne n'a le numéro de Faudel? On peut. Je sais pas, on trouve quand même pour le taper dans l'annuaire Faudel, pas sur tout le monde. Oui, ça fait du monde, je pense. En région, on n'a pas le numéro de Faudel. On n'a pas un copain d'un copain d'un copain qui connaît Faudel? Oui, quand même. Il y a toujours quelqu'un qui connaît Faudel, de toute façon. Moi, j'ai un numéro, mais je sais pas si c'est bon. Ah, c'est pas vrai. C'est Faudel. Oui, c'est Faudel, ouais. D'accord. Vous connaissez très bien son cousin, vous pouvez lui demander. Mais oui, c'est vrai. C'est Jean Rachid. Son cousin, c'est Jean Rachid. Ah bah oui. Ah bah oui, alors. Bah alors, voyez que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais excusez-moi, mais de toute façon, ça va nous mener où? Ça intéresse vraiment d'avoir des... Ça nous rassure. On est à 7 personnes du monde entier. C'est-à-dire que t'as 7 mecs qui te séparent d'Obama. C'est vrai. Tu peux avoir 2 mecs qui te séparent de Faudel. On va le faire avec Benaïm. On est toujours séparés par 7 mecs. Vous, voilà, si on prend Obama. Comment vous feriez pour vous rapprocher d'Obama? Eh ben, je connais Laurence Haïm. Laurence Haïm, elle couvre la Maison Blanche. Donc hop, Obama, direct, bim. Vous êtes à 2 personnes d'Obama. Je suis à 2 d'Obama. Vous allez être à 2 personnes de la compta aussi. Vous allez... Moi, je connais Gérard Louvain qui connaît Dave. Ouais. Voilà. Dave, il connaît Hervé Villard. Ouais. Hervé Villard, il connaît Mathieu Delormeau puisqu'il l'écoute. Il connaît Cyril Hanouna. Et Cyril, il connaît Obama. Ça se tient. Donc Gérard Louvain, Dave et Hervé Villard, c'est la chaîne de l'amitié. C'est sûr qu'il vaut mieux pas arriver en dernier dans cette chaîne. Moi, je suis à trois personnes d'Obama. C'est pas vrai. Parce que je suis à côté de Benaïm, qui connaît Laurent Saïd, qui connaît Obama. Moi, je suis à trois. C'est vrai, c'est pas mal. Mais ouais, pas mal. C'est fou. Mais plus dur Poutine. Poutine, c'est pas évident. Attends, non. Patricia Cass. Moi, je suis à 4 personnes de Poutine. Alors, je vois déjà la lourdeur qu'il va faire. Benaïm, Haïm, Obama, Poutine. Bah, si, ça marche. C'est comme ça qu'on fait. C'est vrai, pas mal. Benaïm. Non, moi, je peux faire Carla Bruni, ce que je l'ai interviewée. Elle habite chez moi. Non, attendez. On a dit qu'on connaît bien. Non, non. Alors, vous connaissez bien Carla Bruni. Non, je la connaissais pas bien. Je la connais pas bien. Je l'ai interviewée. Vous allez appeler Carla Bruni. Vous allez lui dire, est-ce que tu peux me donner le numéro de Poutine? On va voir si ça va vous le donner. C'est quelqu'un qu'il faut qu'on connaisse vraiment bien. Ah oui, bah oui. Ah, moi, mes parents, ils m'ont emmené voir Jean-Paul II quand j'étais petit, je le connais pas. J'étais triste à ses obsèques, mais pas comme un mec que je connais. Mais c'est vrai, quoi. Hey, voilà. Ressaisissez-vous, Benazim. Non, mais sans déconner. Ah ouais, fous de notre gueule. Eh ben non, ça y est, si je sais. Bah, vous nous direz dans un instant. Parce que là, on voudrait écouter un petit truc. On voudrait écouter Bob Sinclair. Someone who needs me. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Bah, écoutez, j'ai un numéro vert, la personne m'appelle et je vais voir si je peux intervenir. Me. C'est le nouveau Bob Sinclair, on aime beaucoup. Hein. Ah ouais. Ça, on va twerker sur moi sur ça. Là. Qui va twerker sur vous? Mais je sais pas, je rêve, j'ai le droit de rêver, bordel. Il y a encore une place au rêve. D'accord, voilà. D'accord. Enfin, dans vos rêves, on twerk, quoi. Bah oui, dans mes rêves, on twerk. Franchement, Benaïm. Bon, alors Benaïm, on était sur Vladimir Poutine. Eh ben, ça y est, je sais, moi, comment on fait. Alors je passe par Géraldine Maillet. Géraldine Maillet connaît Julie Gaillet. C'est sa meilleure amie. Julie Gaillet, c'est la nana de François Hollande. Oui. Bim, François Hollande, Poutine. Non, il lui répond pas. Il lui répond pas à François Hollande. Président à président, il est obligé. Non, je connais Vladimir Poutine. Il dit non, je suis non d'une. Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire Poutine, c'est François Hollande. Non, dis-lui que je suis pas là. Casse les couilles. Non, mais ça se vérifie. Ça marche. Mais bon, mais ça, c'est de la supputation. Parce que je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Déjà, Géraldine Maillet, d'accord, elle, vous pouvez la toucher. Oui. Après, est-ce que Julie Gayet. Elles sont amies intimes. Oui, mais est-ce que Julie Gayet va répondre à Valérie Benaïm? Non, mais si Géraldine lui demande, elle le fera. J'y crois pas trop. Si. On va essayer demain. Okay, Valérie Benaïm, on verra bien. Voilà. Donc Valérie Benaïm, vous avez vu, elle touche tout le monde. Hein. Non, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est une théorie, c'est la loi du genre. C'est la pieuvre du paf. Moi, pour toucher Vladimir Poutine. Ouais. J'appelle direct. Mais non, vous connaissez pas. Non, j'ai un mec qui s'appelle Vladimir Poutine, c'est pas du tout le président, c'est un gars que je connais. Voilà, oui, Latrier à Bombeux. Bah voilà. pour être plus direct, il faut aussi juste essayer de joindre Gérard Depardieu, c'est un intime. Ah bah oui, vous connaissez. Vous êtes à deux de Poutine. Je suis à deux de Poutine. C'est fou ça. Obama, il faut joindre qui? Obama, je suis Obama. Pareil, vous faites Laurent Saïm. Laurence, vous la connaissez, Laurence? Oui. Donc pareil, vous êtes à deux de Arrêtez de vous la péter, arrêtez de vous la péter. Et non. Kim Jong-un. Moi j'ai son numéro direct. Voilà, j'appelle ça. C'est plus dur de toucher, par exemple, un gars comme Murray. Murray, le joueur de tennis. Non, vous, c'est facile. Comment vous le touchez, vous? Mais vous. Comment vous le touchez? Il connaît Nelson Montfort. Ah ouais. Nelson Montfort, il n'en veut pas. Non, mais alors, vous êtes dans la merde, Benim. C'est pas grave, vous êtes dans la merde et ça ne vous changera pas. Ah, Maria Carré. Tiens, comment vous l'a touché, Maria Carré? Ouais. Qui a envie de la toucher, surtout? Comment on peut toucher Maria Carré? Maria Carré, en tout cas, elle veut nous dire quelque chose. Oui, Maria. Alors qu'elle était invitée à la télévision américaine, Maria Carey est apparue dans une tenue pas banale. Mais laquelle? Ah oui, moi je sais. Laquelle? C'est à vous, Benaïm. Ah bon? Eh ben, en petite nuisette pour dormir, en petit peignoir de soie. Ouais. Ah. C'était peut-être tard. Et on voyait ses bites? Géraud. Merci. C'est Mario Carré. Mario Carré. Non, mais elle était en petite nuisette. Mario Carré. Eh ben, franchement, c'est pas mal, hein. Les intervieweurs étaient en pyjama. Ah oui. Ah, d'accord. Vous savez que toutes les filles ne touchent pas à mon poste, on fait une pyjama party vendredi soir. On n'était pas invité. Il y avait Clio. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Je pouvais pas. Elle pouvait pas, elle a pas de pyjama. Par contre, quand on fait une pyjama partie entre femmes, on s'épile. Non, mais il y avait Caroline et Turbine, donc du Grand 8 et touche pas mon poste. Il y avait Clio. Ouais. Il y avait Nadège. Il y avait toutes les filles de touche pas mon poste. Maureen Dibosque. Pour l'instant, il n'y en a que trois. Hein. Elle a lancé l'invitation aussi. Il n'y avait pas Maureen Dibosque. Non, il n'y a pas Maureen Dibosque. En fait, vous avez raison, vous avez trois filles. Il y avait deux filles. Il y avait trois filles. Mais vous avez des photos, quelque chose? J'espère qu'on en aura prochainement. Il y avait Mathieu Delormeau. Ah, mais. En nuisette. Il est partout. Il est partout. Allez, ce week-end à Nancy, en Lorraine bien sûr, a eu lieu une élection de Miss très très spéciale. C'est Miss quoi à votre avis? Miss non-voyant? Non. Miss ronde? Non. Miss sirène? Ah ouais, bravo. Miss sirène, comment vous le savez? J'avais lu ça sur l'internet. Il y avait un site qui parlait de ça. Je suis allé sur la toile. On dirait qu'on est dans les enfants de la télé. Il y en a qui surfent sur le net un peu. Alors, allez donc. Mais je suis incapable de vous dire où. D'accord. C'est quoi le principe? Sauf que je l'ai lu. Je sais pas. Miss Sirène, c'est les sept femmes aux plus belles queues de poisson. Parce que j'ai vu les photos, ils sont. En fait, elles sont avec des queues de poisson. Exactement, avec des cheveux longs. Et elles ont réalisé un 50 mètres sous l'eau en apnée ainsi qu'une pose photo sous l'eau. Ouais, c'est une bonne talasse. Ouais, hein. Geneviève ou Miss Sirène. Prévenez quand vous. On s'en fout. Il y a Miss partout, on s'en fout. Ah oui, d'accord. Non, ça me plaît pas. Bon, très bien. Il y a des écoles maintenant pour devenir sirène. Il y a des cours maintenant. Oui, c'est vrai. Et il y a même des garçons qui enfilent la queue de sirène pour essayer d'être sirène à leur tour. C'est intéressant, mais il y a des débouchés, comment ça se passe? Je sais pas. Oui. Si tu as le diplôme, est-ce que tu es sûr de trouver du boulot? Tu peux travailler chez ton petit navire. Aujourd'hui, c'est la journée d'un accessoire que Valérie ne porte pas assez. De quoi s'agit-il? Je ne porte pas assez. C'est fini, trop tard. Mini jupe. Ouais, bravo. Les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de

Vous adorez cette litote? J'adore cette litote. Vous en faites d'autres des litotes? Commandeur, vous n'aimez pas cette litote? Moi, j'aime bien. Et par Team 500, Par un prompt renfort. Par un prompt renfort, c'est lui aussi? Bien sûr que c'est lui. Il a écrit plein de trucs, ce site. Hein, Dieu bénisse. Et comme certains historiens, Franck Ferrand pense que c'est Corneille qui a écrit certaines pièces de Molière. Oui. Ah ouais, non, ça agite les soirées entre historiens. La dernière fois, j'ai passé une soirée entre historiens. Ils se sont foutus sur la gueule. C'est une grosse bagarre, ça. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Non, mais je vous le dis. Moi, je demande à voir. C'est ce que j'ai dit. J'ai terminé le débat comme ça. Je dis, je demande à voir. Le mec ne veut pas se mouiller. Je veux pas d'embrouille ni avec Corneille, ni avec Molière. Ouais. En plus, je sais qu'il se tape de ouf. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux. Johnny Hallyday se produira le 2 juillet à Fréjus. Mais les habitants ne sont pas contents du tout. Parce que pour ce concert, la mairie a pris une décision radicale. Laquelle, à votre avis? Elle vide le centre-ville? Non. Jean-Luc. Elle interdit la circulation? Non. C'est pour les sonos? Non, je sais pas. J'ai pas compris, mais ça me fait plaisir que vous soyez là. Ils ont déraciné des arbres. Eh oui. Pour qu'ils voient le spectacle. Mais ils sont déracinés, ils ont été plantés ailleurs. Et ils Oui, ok. Ils ont été déracinés. Alors. Oui, mais bon. Et ils ont été replantés devant la maison de Angoun. Tout ça pour améliorer la visibilité des spectateurs qui suivront le concert des tribunes. C'est France 2 Côte d'Azur qui a raconté ça. Bien sûr, Johnny, c'est ça. On sent la fin. Des élèves filles du lycée Robert Gravel à Montréal ne sont pas contentes du tout, car dans le nouveau règlement, on les oblige à porter quelque chose. Mais quoi, Jérôme Commandeur? Une burqa? Non. Un soutien-gorge? Bravo Jean-Luc, un soutien-gorge. Vous portez des soutiens-gorge ici, les filles, aujourd'hui? Bien sûr, toujours. La gravité. Moi, j'en ai pas mis aujourd'hui. Vous les achetez où? Cœur croisé de Pretex. Dans les boutiques de lingerie, oui. Dans les. Uh-huh. Non, mais il y a une marque, vous êtes Victoria's Secret? Oui, pourquoi pas? Dim. Dim, ah ouais. Est-ce que vous mettez du Damar, Valérie? Connard. Non, mais c'est vrai. Du Pretex. Non, mais je peux la comprendre. En goût. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez quoi? Du Calvin. Calvin Harris? Calvin Klein. Calvin Klein. Ah ouais, pas mal. C'est joli. Bah, on ira ensemble. J'achète mes caleçons là-bas. C'est confortable. Vous achetez vos caleçons là-bas? Bon, j'achète mes caleçons un petit peu partout. Ah, d'accord. Ouais. C'est vous qui achetez vos propres caleçons? Oui, c'est moi. C'est pas votre moitié qui va les acheter pour vous? Je suis déjà entier, j'ai pas besoin de moitié. Non, parce que souvent les femmes Vous achetez les caleçons de Patoche? Oui, ça peut m'arriver. Ah, ouais. D'accord. Les boxeurs, ouais. Ah, les boxeurs, oui. Parce que sinon, honnêtement, si vous le faisiez pas, est-ce qu'ils s'habilleraient mal? Est-ce qu'ils prendraient des caleçons avec des élastiques un peu lâches? Pas du tout, mais voilà, si je passe devant et que j'y pense, je me dis, ah tiens, peut-être ça serait bien. Vous êtes boxeur, plutôt. Ah, moi je préfère les boxeurs. J'adore les mecs en boxeur. Enfin, puis je peux vous dire Patoche en boxeur. Je peux dire que c'est beau. Ah non, mais quand il est en train de jardiner dans le. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est Desperate Housewife. À la campagne, avec un petit boxeur, vraiment. Bah, bien sûr. Je peux vous dire, Ah non, vraiment. Et elle fait les crêpes en regardant par la fenêtre. Ah ouais. On dirait un petit muffin qui passe la tonteuse. Non mais sans déconner. Ouais. C'est un couple magnifique. Un message sur le compte Twitter de la police suédoise fait beaucoup rire Internet. La police donne un conseil pour les automobilistes qui auraient quelque chose. Mais quoi? Alors vous, Angoune? Non, je sais pas. Madame? Jérôme. Un animal à bord. Jean-Jérôme, non. Donc il a envie de faire crac-crac. Bravo Jean-Luc Lemoine. Un conseil pour les automobilistes qui auraient une soudaine envie de faire l'amour dans leur voiture. Ils ont conseillé à leurs compatriotes suédois de ne pas oublier de mettre le frein à main s'ils souhaitaient faire l'amour dans leur voiture. Malin. Ils sont sympas. Voilà. Ce message n'est pas venu pour rien puisque la police de Stockholm a porté secours à deux amoureux qui avaient oublié de mettre le frein à main avant de se sauter dessus. Résultat, ils ont dévalé une pente pour se retrouver dans un rocher qui a fait l'amour dans la voiture. Ah, il faut avouer maintenant. Voilà. Il faut dire les choses. On en a assez. On va les marier. Jean-Luc. Honnêtement, non. Il y a eu roulage de pelle, mais jamais dans la voiture. Bah non, mais j'avais une Diane. Ah ouais, et alors c'est pas très pratique. Et puis le problème c'est que ça se voit, quoi. C'est, enfin, vous êtes peut-être vite teinté, mais dans les Dianes c'est rare. Ça passe. Les Dianes, pour ceux qui connaissent pas, c'était un peu une deux chevaux, quoi. Bah, c'est un peu Benaïm. Bah, mais déjà fait ou pas? Non. Mais on vous voit dans la bagnole. Comme Jean-Luc, roulage de galoche, non, mais pas plus. Mais vous vous mettez où? Vous garez la voiture dans un bois? Vous faites quoi? Mais mec, franchement, pas à moi. Mais vous la mettez où, la voiture? Mais je la mets n'importe où. C'est pas la voiture que je demande. Oui, Cyril, la vérité, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans la voiture avec vos copains derrière qui me mangent du poulet? Voilà, ça c'est une vraie question.

mais rien n'y fait. C'est le retour du Catenaccio. L'Italie plie, mais ne rompt pas. Ça va devenir problématique, là, parce que quand les Italiens mènent au score, ils ferment. Il reste 1 minute 30. L'espoir commence à quitter le camp français, alors que sur le banc de la Squadra Azzurra, joueurs et staff se congratulent. Les Italiens ont la balle, mais Totti est signalé hors jeu. Barthez récupère le cuir et dégage. Barthez qui dégage, Trezeguet qui prolonge de la tête. Allez, peut-être Victor qui va frapper pied gauche. Et... la France égalise à quelques secondes du coup de sifflet final. Face à la tribune des supporters français, Wiltord agite son index. Non, vous voyez que ce n'est pas fini. Et 13 minutes plus tard, Pires qui va redresser pour Trezeguet qui frappe. Ce soir-là, du lac de Côme à Syracuse, on apprend à reboucher une bouteille de champagne. C'était En route vers l'Euro avec Darty. Pour vivre à fond les émotions de l'Euro 2016, retrouvez dès maintenant le meilleur choix de téléviseurs chez Darty et sur darty.com. Du 10 juin au 10 juillet, vivez l'Euro 2016 sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec Bob Sinclair qui est notre invité. Il restera avec nous jusqu'à 18h30 et moi je rêverais d'avoir la vie de Bob Sinclair. On adore, voilà, il va nous raconter tout ce qu'il va faire. Vous allez voir, ça va vous mettre un petit coup. À tout de suite. Il est 18h, vous êtes sur Europe 1. Les titres d'Europe Soir, c'est avec vous Nicolas Pontarré. Bonjour Nicolas. Bonsoir Cyril, au sommaire d'Europe Soir, le coût des crues. La Fédération des Assurances estime à au moins 600 millions d'euros le montant des dégâts. Premier bilan très provisoire. En Seine-et-Marne par exemple, un millier d'entreprises ont été touchées, dont 300 pourraient ne pas s'en remettre. Manuel Valls a annoncé ce matin la mise en place d'un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés sans ressources, ayant tout perdu. Explication de François Geffrier à 18h30. La SNCF estime, elle, le coût des grèves, 20 millions d'euros par jour d'après la direction, soit 260 millions depuis le début du conflit en mars, chiffre avancé au dernier jour des négociations sur le temps de travail. Nicolas Sarkozy, à son tour, appelle les cheminots à mettre un terme à leur grève pour tenir compte des intempéries et pour ne pas perturber l'euro de foot. On entendra Nicolas Sarkozy tout à l'heure. L'Ukraine affirme avoir empêché de possibles attentats en France. Un Français a été arrêté en Ukraine fin mai, piégé par les services secrets locaux au moment où il prenait livraison d'un incroyable arsenal de guerre avec des kalachnikovs, des roquettes anti-chars et 125 kilos de TNT. La police ukrainienne affirme aujourd'hui que ce militant d'extrême droite préparait des attentats contre des mosquées, des synagogues ou bien des centres des impôts. Les autorités françaises pensaient plutôt jusqu'à présent que l'on avait affaire à un trafiquant d'armes. Elles ne confirment pas la piste terroriste. À 18h30, l'enquête d'Europe 1 à Kiev et à Bar-le-Duc, la ville d'où vient ce jeune Français de 25 ans. J-4 avant le début de l'Euro de foot, dernier entraînement public pour les Bleus ce soir à Clairefontaine. Puis l'équipe de France va s'enfermer jusqu'au match d'ouverture vendredi contre la Roumanie. Dans le journal à 18h30, nous serons en ligne avec le capitaine des Bleus, le gardien de but Hugo Lloris. La bourse de Paris quasi stable aujourd'hui, plus 0,04%, 4 423 points. De 19h à 20h, le club de la presse d'Europe 1. Nous recevons ce soir l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Elle sera interrogée par Arlette Chabot, Gérard Carrérou et Serge Julie. Europe Soir, dans moins d'une demi-heure, tout de suite, Cyril Hanouna. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat, dans le plat. Cyril Hanouna. Merci à tous d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h30 avec Jean-Luc Lemoine. En goût, Jérôme Commandeur. Bonjour. Valérie Benaïm. Bonsoir. Et notre invité, vous demandez de lui faire un triomphe, c'est Bob Sinclair qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter, Cyril. C'est toujours un bonheur. Quand Bob Sinclair arrive, ça y est. Ah ouais. On a le smile. Ah ouais, bah, merci, merci. Allez. Non mais c'est vrai, on est bien, on a envie de sortir, on a envie de danser sur la plage, quoi. Oh là là, c'est frais. On a envie de se mettre nu. Ouais. Il sera cet été tous les samedis au Pacha à Ibiza. Yeah. Bah, je passerai peut-être vous voir un samedi. Vous allez à Ibiza ? Non mais je peux passer comme ça devant. Tu t'arrêtes pas mais tu passes. Je peux passer devant. Non mais Bob, je suis en train de me chauffer, est-ce que je passerai pas le voir un samedi comme ça ? Bah, oui. Mais il faut que tu viennes. Non, par contre, je commence à 4h du matin. Et vous finissez à quelle heure ? Ça s'appelle le peak time, comme on dit, le meilleur moment, c'est 4h, 6h du matin. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'il dit ça, les gens mangent à minuit. Ensuite, ils vont faire un petit before. Le before, il est à 2h. Les gens arrivent en club à 3h, 3h30. Moi, je me demande de 4h à 7h. Je vais plutôt aller en Camargue, moi. Je suis fatigué. Je suis pas bien sur la tête de ma mère. Déjà, il m'a raconté la soirée. Je suis fracasse. J'ai un coup de barre. Et donc, vous serez en concert dans toute l'Europe et à Reims le 13 juillet, à Vence le 22 juillet. Et vous mixerez le 24 juin au Camp Nou, alors de Barcelone. Wow. Eh ouais, ça va être magnifique pour la finale du top 14. Exact. Ça, c'est énorme. On va écouter Someone Who Needs Me. C'est le nouveau single de Bob Sinclair que vous allez passer. On va l'écouter celui-là, Ibiza. Ça, c'est sûr. Obligatoire. Non, ça, c'est obligatoire. Moi, je viens de. Quand ça. Je produis un titre, il faut que je le joue absolument. Bien sûr, là, en fait, la facilité, ce qui est bien, c'est que quand je sors du studio et que je joue le titre, je vois directement la réaction des c'est gens. Ça. Ouais. Si je le mets à la poubelle ou si je garde et j'essaie de l'améliorer ou si. Mais ça vous est arrivé de repartir en studio après l'avoir passé? Tout le temps. Non, c'est pas vrai. Tout le temps. Bien pour le niveau des voix, le niveau de la musique, il faut que le son soit vraiment énorme. C'est Claude Barzotti qui faisait ça aussi dans les restaurants italiens. À l'école, quand j'étais petit. Merde, ça va pas, ça va. Je ne t'écrirai plus. On a une calzone dans la dizaine. Ça passe pas, on n'entend pas la chanson quand tu dis la calzone. Il faut que je mette plus fort. Voilà, sans déconner, non, mais je vous le dis. Et celui-là, il est très efficace. Franchement, j'aime bien. Tout de suite. Là, on est en big time. Ah, on y est, là. On est en big time. Salut les meufs. Alors, on est venu en découdre. Le rien. Je disais, on est venu en découdre. En disco. Tu dis. Alors, non, mais en boîte, c'est pour être à la bonne. Comment ça va? Ça va, les salopes? Non, je disais, est-ce que je vous aimais la pop? Est-ce que je peux te mettre un doigt dans le cul? Ah, c'est le mec, il a crevé les quatre pneus, quoi. Non, mais ça y est, plus rien. Magnifique. Non, mais franchement, c'est magique. Non, mais j'adore. Là, je suis dedans. Non, mais on y est, là. Je suis dedans. Est-ce que vous avez une phrase de prédilection pour chiner une meuf en boîte? Bob, vous n'avez pas besoin. Non, les DJ, c'est. Ah, bah lui, c'est les. Déjà, je suis pas accessible. Il y a pas que les DJ. Lui, il est pas accessible. Pas accessible. Ça, les filles, c'est comme les magnètes sur le frigo, quoi. Elles arrivent. Un aimant. Il fait des signes, il fait. Oui. Non, pas toi, Pedro. C'est vrai. Il y a un escargot comme la sécu, tu sais. Non, mais Bob, vous en êtes tout d'ailleurs sentimentalement. J'ai besoin de moi, ça. Moi, je suis marié, moi, depuis 25 ans avec la même femme. Je suis marié. Je suis au bonheur. Cyril, il se dit, mais quel dommage. Non, c'est pas ça. Il est obligé de faire ça derrière les platines, d'être crêle, c'est un peu. Non, avec les réseaux, c'est pas facile. Il faut être très discret. Et votre femme, elle vient avec vous, Ibiza? Non, jamais. Non. Non. C'est trop dur, comment tu veux faire ça? Ah oui, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je lui dis, moi aussi. Sur les plateaux télé, je dis non, c'est trop dur, il faut que tu restes un petit peu à la maison. C'est parce que c'est le monde de la télé aujourd'hui. Un jour, t'es là, le lendemain, t'es une merde, chérie. Je veux pas que tu vois ça. J'ai envie de te protéger. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, j'ai envie de te protéger. Ouais, c'est ça, la protection. Non, mais vous rendez compte, vous êtes mon idole. Non, mais franchement. Mais je vais quand même passer vous voir. On va se retrouver. Non, mais je refile des plans aux potes, il y a pas de problème. Ah non, mais non, mais moi je suis là, moi je suis droit comme la justice, hein. Je suis droit comme un. Ah non. Voilà, imagine le nombre de plans qu'il a. Hein, lui? C'est le guide du routard. Mais lui, c'est prison break. C'est prison break. Il a les plans sur son corps. C'est un botin. C'est un phénomène. Alors, on se retrouve dans un instant. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Jeudi prochain, le 9 juin, L'Oréal Professionnel célèbre la nuit de la coiffure dans 2300 salons en France et à Paris à l'Hôtel de Ville qui devient pour l'occasion le plus grand salon de coiffure de France. Venez vivre cet événement magique et vous faire coiffer gratuitement par les plus grands coiffeurs L'Oréal Professionnel. Inscription jusqu'à demain soir sur le site www.lanuitdelacoiffure.fr. Un événement avec Europe 1. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi? Voilà.

incroyable. Ah, c'est vrai que c'est un peu c'est le coq de la soirée. Ah, non, c'est vraiment la personne à atteindre. Ah non, mais vraiment. C'est on est vraiment devenu des artistes. Non, mais moi c'est vrai que moi je sais pas mettre un disque. Moi je sais même pas brancher un iPod. Non, mais attendez, on est dans la merde quoi. C'est quand même non, mais c'est vrai que Bob Sinclair quand il arrive, c'est la folie. Bob, vous êtes la folie. Est-ce qu'il y a des jeunes C'est difficile de dire ça. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui vous jettent des choses, des ce qui des meubles, une commode. Non mais. Il y a Louis la brocante, la dernière fois, il a jeté un guéridon. Natasha Caravane. Vous avez déjà eu un truc de merde, c'est bizarre. Il y a une jeune fille, à un moment, j'étais sur le. Bon, je suis en train de jouer comme ça, et puis je vois une fille qui soulève sa jupe comme ça, et puis qui enlève son string, puis elle avait un stylo dans la main, elle me marque son numéro de téléphone sur son string. Non, quoi. Non, c'est pas vrai. Et non. Vous l'avez toujours ce numéro? Ce string? Bah, je fais collection, d'ailleurs, voilà. Non mais rendez compte, ça c'est des trucs qui nous arrivent jamais. Non, vous avez jamais eu une spectatrice qui vous a jeté son string à... Mais si on m'a jeté, des tomates. Non mais même. Moi on m'amène du galac, on fait un kiff, des Ferrero Rocher. Votre succès, même une vieille spectatrice, ça vous a pas jeté une gaine, quelque chose? Ouais. Vous avez rien reçu. Voilà. Une paire de chaussures, une béquille, une hanche. Un thermolactyle. Un déambulateur. Une paire de crocs. Des crocs, c'est bon. J'adore. Quand tu prends une paire de crocs dans la gueule, tu vois, ça sent une bonne nuit là. Ouais, ça. Bob, en tout cas, on viendra vous voir à Ibiza. Franchement, c'est sûr. Avec on plaisir. Passera avec Jean-Luc. Ah ouais. Non, mais sans déconner. Ah, mais quoi avec lui? Bah quoi, vous voulez bien? Bah oui. Mais je suis pas loin, moi. Je suis sur l'île à côté. Honnêtement, tu vas nous ralentir. On va ralentir le groupe. Sans déconner, tu vas nous ralentir. Non mais Benaïm, vous connaissez pas Benaïm. Elle retourne trois fois au vestiaire. Ouais. J'ai oublié mon c'est la seule. Elle va amener des Tupperware avec des boulettes en boîte. Non, ça sera. Non mais elle va nous flinguer l'ambiance. Elle, sans déconner. Ah, mais moi, je peux vous aider parce que je parle espagnol. Donc du coup, je peux vous faire les transitions. Oui, mais nous parlons. On s'en fout. On parle en langue des signes. C'est ça. On parle le langage universel de l'amour. Il y a beaucoup de Français. Beaucoup. Beaucoup d'Italiens. Beaucoup d'Allemands. J'ai plus de mal à l'international. C'est vrai. Cyril, c'est un contexte. L'anglais, non? L'anglais? Non. Je peux pas dire qui, mais quelqu'un m'avait dit quelque chose de très drôle. C'était une vedette française que j'avais vue au Québec et qui avait beaucoup de succès grâce à sa notoriété. Et il avait dit, c'est marrant parce que en France, je suis beau et quand je suis au Québec, je me perçois que je suis moche. Non, c'est vrai que ça pète des déconvenues d'aller à Ibiza. Voilà, merci. Si c'est des étrangers. Vous avez fait un spectacle avec Franck Dubosc? Mais non, il plaît partout, Franck. C'est un humoriste? Oui, plutôt. Ouais. D'accord. Je dirais pas. Il est très connu. Ah oui, très connu. Très, très connu. S'il est très connu, on le connaît un petit peu au Québec, non? Non, c'est... C'est sûrement deux milieux différents. Il est connu sur Paris intramuros. voilà, apparemment. Donc, merci en tout cas Jean-Luc pour ce beau témoignage. on va essayer de chercher qui c'est toute la journée. Il nous le dira bien sûr à la fin de l'émission. Bob, merci en tout cas d'être là. On a réécouté un extrait il y a un instant de Someone Who Needs Me. Alors, comment vous travaillez, Bob? Comment ça se passe? Nous, on comprend rien, nous, ici, là. Sans rigoler, c'est vrai. Comment vous faites vos titres? En fait, moi, tu sais que je suis venu à la musique par le recyclage, la création des sons, avec toute cette culture hip-hop. Moi, j'ai pas de formation de musicien classique. Donc, je prenais des sons à droite à gauche. Ça s'appelait du sampling. Et là, aujourd'hui, je travaille avec des musiciens. Donc, voilà, je prends un son à droite, un son à gauche, comme ça. Et puis, je fais toute ma sauce. Je produis le titre. Et là, ce qui est drôle sur ce titre-là, il y a un petit sample de Stevie Wonder. Tu vois, comme for once in my life. I got someone who needs me. C'est un sample de Stevie Wonder. Ah, je savais pas, moi, la première fois. J'ai accéléré, que j'ai un petit peu pitché. Donc, c'est ça que j'aime, cette espèce de mélange de sons. Transformer les choses. Je transforme les choses, exactement. Non, mais Bob Sinclair, moi, j'adore ce qu'il fait. Vous vous rendez compte le nombre de succès qu'il a fait, de tubes qu'il a fait, Bob Sinclair. On va se les réécouter dans un instant. Bob, vous restez avec nous. Et, la vie de DJ, cliché ou pas cliché, on en parlera dans un instant avec Bob. À tout de suite. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Saint-Martin au départ de Paris à partir de 598 € aller-retour tout compris jusqu'au 8 juin. Tarif, offre et de service, coût des départs du 20 août au 4 décembre 2016. 5 jours à Londres, 320 €. 320 € le voyage d'affaires, c'est pas cher. Ah non, ça c'est le surcoût sur ma facture de téléphone pro à l'étranger. Non, t'es pas chez SFR Business? Pour 1 € de plus par mois, je peux utiliser mon forfait en Europe comme si j'étais en France. Ah bah mon prochain rendez-vous pro, je pars avec SFR Business. Avec SFR Business, pour 1 € de plus par mois, utilisez votre forfait en Europe comme en France. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Pour vos communications depuis l'Europe vers l'Europe, avec l'option Roaming Europe, offre de la société SFR soumise à condition, détails sur sfrbusiness.fr.

Ouais. Ah, vous faites quoi? Bah, tennis, je joue au tennis, tennis toujours, ouais. Beaucoup de gym, je fais un peu de boxe aussi. Non, il est beau. Je De toute façon, vous êtes très, très affûté, vous buvez pas? Non. J'ai jamais bu du tout d'alcool, j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue. Comme moi. Sauf qu'il fait un peu plus de sport. C'est pour ça, vous allez me prendre en main. Je vais venir cet été. Et quand je le vois sur la plage, il y a toujours une photo de Bob Sinclair dans les journaux People pendant l'été. Et à chaque fois, tu te dis, quel bâtard. Il ne bouge pas. C'est tout de suite. C'est quoi la haine? Pourquoi cette haine? C'est juste la jalousie. Moi, si j'avais le corps de Bob Sinclair, sur la main de ma mère, je vais aller chercher les paparazzi. Ah oui, une photo, bordel. Ah, mais moi, je veux. Le corps de Bob Sinclair? Ah, bah, moi, je. C'est Sinclair, hein. Ah, mais je vais au super U à poil, moi. Le corps de Bob Sinclair, mais moi, frère, tu sais quoi, mais sur le champ, je deviens nudiste. J'en ai rien à foutre, je deviens naturiste. Exactement. Mais en plein Paname, là, en plein Paris, là. Ah, bah, je vous suis. Je vous suis. Ah, bah, ouais, non, mais c'est vrai. Vous, à mon avis, tout l'été, vous le passez torse nu. Mais non, mais je suis pas exhibe. Non, mais alors. Nous, tout l'été, on attend qu'une chose, c'est qu'il soit 22h pour commencer à mettre des chemises. Lui, il doit attendre 22h, même à 22h, il est en, t'as pas chaud comme ça, chérie? Non, je suis bien, moi, j'ai rien à foutre. Écoute, toi, t'as chaud, t'as envie d'attraper une pneumonie, c'est ton problème. Moi, j'ai du boulot à la rentrée, mon vieux. Nous, on est les seuls, on va nager de nuit. Non, mais ça. Il n'y a plus personne. Ouais, et qu'on peut plus nous voir. C'est vrai, c'est vrai. On se cache, lui, il peut nager à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, hein. Non, mais alors, tu sais que je suis fan de sport et que j'ai toujours aimé ces. Ah, mais nous aussi, on est fans. Le problème, c'est que le sport est moins fan de nous. Alors, il y a beaucoup de clichés sur la vie quotidienne d'un DJ mondialement connu comme vous. Est-ce qu'un DJ ne dort jamais? Et vous l'avez dit il y a un instant, il prend des produits pour tenir, cliché ou pas cliché. Ouais. Pour vous, c'est cliché. Des produits pour tenir, non, mais oui, c'est vrai qu'on dort pas beaucoup. Par exemple, une journée type à Ibiza, c'est quoi? Donc, vous démarrez à 4h du matin, vous finissez à quelle heure? La journée type à Ibiza de samedi, par exemple. Samedi, ouais. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'à Ibiza, je fais une before. Dans un café qui s'appelle le Café Mambo, il y a un sunset. Donc les gens viennent prendre un verre. Donc là, c'est une première promo que je fais pour la soirée parce que c'est une résidence que j'ai au Pacha Ibiza. Et le thème, c'est Paris by Night. Donc je viens en marinière, c'est donc je viens avec des performeurs, des danseurs. Donc je joue de 9h à 10h30. À minuit, je mange. Ouais, je mange un gros plat de pâtes pour deux pour que je tienne jusqu'à 7h du mat. Ça nous fait un point commun. Je vais dans C'est mon premier point commun avec Bob Sinclair. J'adore cette fan. Ça, on le fait, nous aussi. Ça, on le fait. Voilà. Plat de pâtes pour deux. Le plat de pâtes pour deux, ça, on le fait. Et ensuite. 3h du matin, direction le club, et je joue de 4h à 7h. Et je me couche vers 8h moins le quart. Quoi, vous partez direct après le club? Ah, direct. Quand vous restez pas un peu plus. Non, il n'y a pas d'after, il y a pas. Non, il faut. Vous feriez quoi, par exemple, vous après? Maintenant, je ramasse les filets. Ouais, ouais. Cyril, il irait ses strings. Il n'éclaterait pas dans sa bêtise. La lecture. Il aime la lecture. Non, mais il est sérieux, Bob. À 7h45, et vous levez à quelle heure? Midi et demi. Quoi, c'est tout? Ouais. Ah oui, voilà. Et après, je peux pas dormir quand il fait jour. C'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Hein. Il faut fermer les volets. Bah, oui. Non, mais il faut. Oui, mais tu sais bien, il faut qu'il y ait nuit. Il faut vraiment qu'il fasse noir. Voilà, qu'il n'y ait pas de petits filets de lumière. Mais ça se lève très tard à Ibiza, non? Les gens peut-être se lèvent. Je fréquente pas beaucoup les clubbers d'Ibiza. Il est là-bas. Mais en fait, il prend son avion et il est déjà ailleurs. Il est peut-être à Varsovie, à Madère, au Togo. Le mec est partout. Ah, je sais. C'est vrai, c'est des belles fêtes à Lomé, au Togo. Un DJ est forcément un mauvais chanteur, cliché ou pas cliché? Ouais, non, ça n'a rien à voir. T'as rien à voir? Non. Vous chantez bien, vous, Bob? Oh là là, non, pas du tout. Pas du tout. Chacun son métier. Et un DJ est forcément un mauvais danseur. Bon, ou pas? C'est vrai que j'ai rencontré souvent des DJ qui avaient pas du tout le rythme dans le. Non, c'est vrai, mais comment ils font? Ils sont à quoi? Je me disais comment c'est possible? Ils sont tôt. Et pourtant ils enchaînaient bien, etc. Mais Bob, il danse. Aucun rythme. Bob, il danse bien. Moi je la sens bien. Bah ouais, non. Franchement, honnêtement, non, je suis un bon danseur. Mais non. Il a une bonne base. Non mais j'adore. C'est vrai que Bob danse bien. Et on a un très bon danseur, mais j'ai le rythme. On a juste pour finir cette émission, on a un souvenir incroyable tous les deux. C'est un souvenir avec Novak Djokovic qui était avec nous dans la cabine de avec vous. De Roland Garros. La journée des enfants. Ah ouais, quel amour de mec, hein. C'est vraiment une, alors je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est une belle personne. Ah, moi aussi, vraiment. Il était là pour le clip de Martin Solveig aussi qu'on avait fait déjà à Roland Garros. On lui a demandé de venir pour la journée des enfants 24 heures à l'avance. Il a dit bien sûr, je serai là avec plaisir. C'est un super mec, hein. C'est un super mec qui est là toujours, qui répond présent toujours. C'est vraiment un amour et on est heureux pour lui qu'il ait gagné Roland Garros. Ouais. Bob Sinclair, le nouveau single de Bob Sinclair, il est disponible, c'est ça. Someone Who Needs Me, on aime beaucoup. Et vous serez donc cet été tous les samedis au Pacha Ibiza. Voilà, la France, en Espagne, à Reims le 30 juillet, oui, aussi à Reims. Vence le 22 juillet et vous mixerez le 24 juin au Camp Nou de Barcelone pour la finale du Top 14. Ça aussi, on va regarder, ça va être un carton d'audience. Merci Bob. Merci Cyril, merci de m'avoir invité, merci à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Merci Bob, merci à vous, merci Jean-Luc Lemoine. Merci Valérie Benahil, merci Jérôme Commandeur. Merci au public d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant dans Touche pas à mon poste, les chéris. Émission folle, on a plein de choses à vous dire. On a plein de choses à vous raconter parce que j'ai passé plein de trucs ce week-end. Je vous le dis, il y aura des révélations et il y aura une nouvelle séquence, la machine à bac. Voilà. On vous laisse avec Nicolas Poincaré pour Europe. Demain, Cyril Hanouna. Bonsoir, Ombline. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Europe Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, le journal. Avec l'arrestation en Ukraine d'un Français soupçonné d'avoir préparé des attentats en France pendant l'Euro. Une demi-heure d'info avec Isabelle Mies dans deux minutes. Puis le club de la presse d'Europe 1 entre 19h et 20h. L'invité ce soir, c'est Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture. Elle sera interrogée par Arlette Chabot, Gérard Carrérou et Serge Julie. Mais tout de suite, la météo, Valérie Darmon. Et demain, le temps reste instable. Oui, comme il l'est à l'heure qu'il est. Alors demain matin, il fera toujours très gris avec des brouillards matinaux, comme ce matin d'ailleurs, hein, de la Basse-Normandie à la Lorraine. D'ailleurs, vous n'êtes toujours pas à l'abri d'averses ponctuellement orageuses. Demain matin également en Champagne et sur les Ardennes. Partout ailleurs, depuis le bassin parisien jusqu'aux Pyrénées, le ciel qui est changeant, alternant passages nuageux et éclaircies plus ou moins larges. C'est même nuageux aussi, avec des plaques de nuages bas sur les côtes méditerranéennes. Et puis dans l'après-midi, dans une ambiance très lourde, c'est d'ailleurs pour cette raison que les orages éclatent, la masse d'air devient instable, le ciel de plus en plus chaotique, les orages s'installent le long de la frontière est, entre les Ardennes et la Lorraine, et puis de l'est au Val-de-Loire et au Gard. Ils peuvent être marqués avec de la grêle, le risque étant plus fort d'ailleurs du nord à l'Alsace, mais aussi dans le Var et plus à l'ouest des côtes de la Manche aux Pyrénées, le temps qui est calme et bien ensoleillé. Notons aussi que 7 départements sont toujours en alerte orange crue. L'Essonne est le seul à le rester sur le bassin parisien. Reste aussi le centre et la Normandie. Et les températures, Valérie ? Alors les températures, c'est notre consolation. Elles se stabilisent à l'inverse de notre ciel. Les minimales de demain, 12 à 16 degrés, jusqu'à 18 dans le sud.